По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежик. Интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Я всегда завидовал мультипликаторам, которые так блестяще рисуют. Я завидовал, потому что я знал, я так не могу. Я никогда так не мог и не умею, и сейчас не умею рисовать, как они рисовали там. Кстати, тот же Назаров говорил, ты всегда плохо рисовал. Сволочь такая. Я, правда, мог на это ответить, знаете, как? Я ему это говорил. Я говорю, да, Эдик, я рисую хуже тебя. Но то, что мне нужно нарисовать, я нарисую лучше. Вот не потому, что Эдик изумительно рисует и все, но есть еще ощущение каких-то очень таинственных, для тебя непонятных, какой-то тонкой материи, которая тебе самому непонятна. Comment reconnaît-on un grand auteur? Est-ce le temps? De nombreux films et réalisateurs sont passés donc par ce tamis du temps de l'histoire. On parlerait aujourd'hui donc facilement de Griffith Eisenstein, mais est-ce qu'il n'y avait pas à cette époque-là aussi des gens qui malheureusement ne sont pas arrivés jusqu'à nous? Est-ce qu'on n'en redécouvrait pas aujourd'hui? Est-ce la nouveauté? Mais qu'est-ce que la nouveauté lorsqu'on sait que toute création découle de ce qui a été fait avant? Donc la nouveauté n'est que quelque chose qui vient du commercial et du médiatique. Il est difficile de voir aujourd'hui vraiment une nouveauté dans la création. Est-ce le nombre de récompenses? Mais Kubrick et Hitchcock n'ont jamais eu d'Oscar, par exemple, pour leur réalisation. Alors aujourd'hui, on récompense et on glorifie des films un petit peu partout. Ils ont même plusieurs récompenses en même temps. D'ailleurs, vous avez remarqué maintenant d'ailleurs la récompense. J'ai entendu ça dans une radio concurrente, France Culture, pour pas la nommer. Donc le lendemain matin des Oscars, en disant que le film français, donc The Artist, avait obtenu la récompense suprême du cinéma. Donc je savais pas que l'Oscar était la récompense suprême. Quand une récompense nationale devient une récompense internationale, c'est assez étonnant. Mais est-ce qu'on se souvient encore aujourd'hui du film qui a eu l'Oscar la même année? Je sais pas. J'ai trouvé ça tout à l'heure, que La Nuit de l'Iguane de John Huston. Non, je suis pas sûr. Est-ce que, alors, j'essaie de trouver un film en même temps que les Césars, et j'ai pas réussi à trouver un bon film français dans ces 20 dernières années qui n'a pas eu le César et que je regrettais qu'il n'ait pas eu le César. On mettra peut-être qu'un de mes invités va avoir une idée. Non, ils n'en ont pas plus que moi. Est-ce que vous vous souvenez que Les Ripoux de Claude Didi a eu le César du meilleur film? Hein, il y a de quoi avoir honte. Ou Shakespeare in Love, qui est quand même pas un grand film non plus, a eu l'Oscar du meilleur film aussi. Déjà l'œuvre de Harvey Weinstein qui de nouveau gagné cette année, comme il s'est gagné si bien l'Oscar en donnant pas mal d'argent à droite à gauche. Est-ce que c'est le nombre de livres publiés, de documentaires, d'expositions? À l'heure où s'ouvre une exposition sur un auteur qui, faut l'avouer, peine à retrouver un nouveau souffle. Je vous rappelle qu'Ed Wood date de 95. Alors bon, on peut aimer, hein, moi j'aime bien Big Fish, j'avoue, on peut aimer Sleepy Hollow, mais quand même, Tim Burton n'a plus vraiment rien fait d'intéressant depuis un bout de temps, et là on l'encense à droite et à gauche grâce à cette exposition. Il est en couverture d'à peu près tous les magazines, qui ne faisaient pas l'air du tout la couverture avec Tim Burton quand il faisait les Batman Returns, j'exagère, parce que les cahiers avaient fait leur couverture dessus, mais bon, hein, Télérama l'a pas fait souvent. Bon, quand on voit la bande-annonce du prochain long Frankenweenie, ça, je pense pas que malheureusement on puisse en sortir quelque chose. Donc, comment reconnaît-on un grand auteur? Alors, je sais pas si on va répondre à cette question aujourd'hui, mais vous avez entendu une voix au tout début, et on va, je pense qu'elle va sous-entendre et elle va être là présente pendant tout le long de ces deux heures. Vous êtes bien sûr à Bulle de Rêve, toujours. Bien évidemment sur Radio Libertaire, ou est-ce que ça pourrait être sur quelle autre radio on pourrait avoir deux heures d'émission sur l'animation? Il y a forcément ici, et là vous allez entendre sa voix, elle va nous dire, elle sait que c'est elle qui le dit, je sais pas pourquoi, parce que c'est une fille ou un garçon, c'est juste comme ça, ça fait partie du truc, elle va venir le numéro du studio. Donc vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Voilà, oh, merci beaucoup, c'était Florentine bien sûr. Avec qui on va vous proposer aujourd'hui cette émission qu'on a voulu un petit peu particulière pour l'avenue d'un grand monsieur que vous avez entendu, dont vous avez entendu la voix tout au début, juste après le générique, qui était un extrait d'un de ses films qui s'appelle Le Risson dans le brouillard. C'est Yuri Nanstein. Yuri Nanstein vient au Forum des images, hop, du 23 au 25 mars. Avec Annie Parker. Et je vais vous lire le petit texte, parce que peut-être que certains d'entre vous ne parlent pas russe, c'est dommage, mais au cas où, voilà ce que dit Nanstein. J'ai toujours envié les animateurs qui dessinaient si brillamment. J'étais jaloux parce que je savais que je ne pouvais pas dessiner comme eux. Je n'ai jamais été capable, et même aujourd'hui, je ne sais pas dessiner aussi bien qu'eux à l'époque. De ce fait, Nazarov avait toujours l'habitude de dire « tu es toujours mal dessiné ». Alors là, on le voit pas, mais il dit « quel salaud ». Einstein le dit à ce moment-là. Nazarov étant un grand auteur russe, on en reparlera tout à l'heure. Et il continue en disant « cependant, j'ai pu lui répondre et je lui ai répondu de cette façon. Oui, Eddie, qu'effectivement, je dessine moins bien que toi, mais les choses dont j'ai besoin, je les dessinerai mieux. Non pas parce qu'Eddie a bien sûr un dessin magnifique, mais il y a cette sensation liée aux choses mystérieuses qui nous sont inconnues, une substance subtile que vous ne pouvez comprendre. » Donc, est-ce que c'est ça, Einstein, on va voir, c'est-à-dire cette substance subtile qu'on ne peut pas comprendre, est-ce que c'est ça qu'il réussit à mettre dans son cinéma? On va voir ça avec les invités qu'on a autour de la table. J'ai voulu aussi un petit peu particulier, puisqu'on va, je vais tenter pendant tout le mois aussi à travers The Web Anime, et on verra si on répercute ça sur le site de Bulle de Rêve, en tout cas sur The Web Anime, à travers des interviews de réalisateurs un peu du monde entier, des critiques et des articles et des choses, pas forcément des films, en tout cas, qu'a réalisé aussi, qu'a animé Einstein, se plonger un peu dans cet univers de Yuri Einstein. On a autour de cette table une voix que vous avez entendue le mois dernier, et alors, il y avait deux choses en fait. On l'a invité parce que d'abord, un, j'avais pas fini, je m'étais fait engueuler en direct, et ensuite, elle a dit lors de cette émission le mois dernier, ce qui m'a fait venir à l'animation, c'est la découverte de Yuri Einstein, et il y avait même un clin d'œil dans son premier film sur le Risson dans le brouillard, donc Sophie Rose. Sophie. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Faut pas que je me trompe. Claire Lécuyer. Bonjour. Bonjour. Donc Claire qui a fait un mémoire, on va en parler sur plutôt le Comte des Contes. Et il y avait aussi le miroir d'un autre grand monsieur Tarkovsky, donc on parlera voilà de tout ça. Et cette voix que vous avez entendue, je sais à chaque fois je la fais, mais pendant des années à ma place. Ça commence à faire un peu vieux. Oui, je sais. Surtout qu'il vient, il vient plus beaucoup maintenant. Donc avant moi ça faisait un petit peu, mais c'est vrai que ça fait très longtemps maintenant. Olivier Catrin, merci beaucoup Olivier d'être là. J'ai commencé par un scoop. Moi aussi je suis venu à l'animation grâce à Yuri Einstein. Alors vas-y, parce que Olivier, après. D'accord, donc il nous racontera ça par la suite. Peut-être que Claire va nous dire qu'aussi elle est venue à l'animation, et Florentine évidemment. Aussi. Évidemment. Voilà, donc tout le monde en fait est venu, vous rendez compte. Moi non. Alors pas Florentine, elle nous expliquera pourquoi. C'est la candidate, celle qui n'aime pas Einstein dans l'émission, elle nous expliquera pourquoi elle n'aime pas Einstein. Va faire des amis. Olivier, qui est certes aujourd'hui producteur des Trois Ours, qui a travaillé à l'AFCA, mais qui ne vient pas vraiment, même s'il y a cette casquette de l'AFCA, qui vient aussi parce qu'il a travaillé à Archeion Film, et il nous parlera un petit peu. Est-ce que tu étais là-bas quand les Einstein ont été distribués? Le Comte des Contes, c'est bien... Non, c'était un peu après. En fait, il y a eu deux sorties, il y a eu une ressortie après. Mais la première sortie en salle du programme du Comte des Contes, c'était bien avant, en fait. C'était au début des années 80, enfin, si ouais, je devais avoir 20, en fait. 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais, j'étais tout jeune homme. Tout gamin, d'accord. Donc on reparlera en tout cas d'après et du cinéma de Nordenstein. Et bien sûr, vous l'avez déjà entendu, mais Florentine qui nous parlera aussi quand même de son rapport comme je l'ai dit, à Nordenstein. Olivier, pour répondre à peut-être pas à ma première question, mais toi qui es producteur maintenant, quand je parle d'auteur, est-ce qu'il y a des fois quand on lit un dossier, quand on voit un film, là je parle d'étudiants ou en tout cas de jeunes réalisateurs, on se dit, je sais pas si le mot auteur est un beau mot, mais en tout cas, ah là j'ai quelqu'un qui a un univers très particulier et je sens que si ça continue comme ça, il va vraiment pouvoir construire entre guillemets une carrière ou en tout cas voilà quelque chose de très intéressant au niveau de ses films. C'est toujours ce que cherche un producteur, en tout cas un producteur de court-métrage, il cherche avant tout des gens qui sont porteurs d'un univers, des auteurs. Mais c'est pas forcément évident de le voir sur un dossier papier, un scénario, même avec des éléments graphiques. Il y a parfois une distance. Alors, sur un scénario, on voit qu'il y a quelqu'un qui a des choses à dire, qui éventuellement a un univers graphique. Mais il y a parfois une distance entre ce dossier papier et le film qu'il va y avoir au bout du compte. Ça marche dans les deux sens. L'auteur, on le voit avec les films. Des fois, on voit des films et c'est une évidence, quoi. On découvre un univers qui ressemble à aucun autre. En fait, c'est ça. C'est ça. Il y a des films comme ça qu'on voit en festival et on se dit, faut que j'aille voir l'auteur pour lui dire, faut travailler, qu'on travaille ensemble. Oui, ça arrive. Ouais. Est-ce qu'il faut vite les récupérer? Enfin, pas une anecdote parce que c'est quelque chose qu'il va savoir, mais par exemple, on a quelqu'un qu'on aime beaucoup. Déjà dans Moise Web Anime, et je sais que Florentine aime beaucoup. C'est peut-être, si elle n'est pas vue à l'animation par Nordenstein, elle est peut-être venue à l'animation en voyant Pistache de Valérie Pierson. Voilà, là, elle a un grand sourire qui est autre que quand on a parlé de Nordenstein. Valérie Pierson qui a fait un court-métrage, Pistache d'étudiant, qui ensuite a été vite récupéré là, plutôt vers le long-métrage, le clip, et là, elle n'arrive toujours pas à revenir sur le court-métrage, puisque là, elle travaille sur le prochain Gondry, donc adapté de Boris Vian, L'écume des jours, et donc ça veut dire qu'elle en a encore pour une bonne année à pas encore venir, ce qui fait que si on doit avoir un court-métrage, ce sera pas avant 3-4 ans. Des fois, il faut les récupérer avant qu'ils soient pris dans l'engrenage pub, parce qu'il faut bien manger, comme on l'a souvent dit, série. Oui et non, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent, je sais pas, comme animateurs, par exemple, pendant 10 ans, et qui peuvent à un moment dire, ben, voilà, je prends un temps pour faire un court-métrage, par exemple. Tout le monde n'est pas obligé de faire que des courts-métrages. Toute ta vie. C'est bien d'ailleurs peut-être d'avoir un certain passé, une certaine vie professionnelle avant de se lancer dans une œuvre très personnelle. Ça peut être bien aussi. On l'a vu récemment avec, on en a souvent parlé ici avec Émilie Mercier, par exemple, de Bisclavret. Avec Bisclavret qui a arrêté au bout d'un moment. Tu te rappelles, toi, de. Je lui ai dit hors micro, donc il faut bien que je ressorte maintenant hors micro. Quand tu as vu. Est-ce que tu avais vu Les petits gars de Sophie? Son film de fin d'études, tu te rappelles de Folle Image? Ouais, je vais pas dire ce que t'en avais pensé parce que c'est toujours un peu en direct comme ça, mais est-ce que tu t'attendais à voir Les Escargots de Joseph, qui est quand même un gros changement, même si c'est marionnette, on a quelque chose de différent? Non, j'étais assez surpris en fait par Les Escargots de Joseph. Les petits gars, effectivement, c'était un film qui avait du charme. Et Les Escargots de Joseph, en fait, j'ai découvert sur dossier Les Escargots de Joseph, puisque j'étais au CNC à ce moment-là. D'accord. Et le dossier était déjà très, très séduisant. Et le film encore plus, finalement. Très riche, très original. Ouais. Il y a une question que je t'ai pas posée, Sophie, c'est Les Escargots de Joseph. On a dit à l'inverse des petits gars, on avait dit qu'il avait pas tellement fonctionné en festival. Non, ouais. Les Escargots de Joseph, par contre, a pas mal fonctionné en festival. Bien marché, ouais. Est-ce que je parlais tout à l'heure des récompenses? Est-ce que les récompenses, j'en avais noté quelques-unes, mais évidemment, j'avais noté. T'avais même eu, je pense, une récompense au FICAM. Si oui, j'avais eu le prix, t'avais eu le prix, ouais, complètement. J'étais super contente. Ouais. Donc, est-ce que ces récompenses-là, à part le fait qu'on dit tiens, ça fait toujours plaisir, est-ce qu'ensuite quand on va avoir des producteurs, est-ce que ça fonctionne, ça marche ou Ah, faudrait que j'ai un autre film en route là pour oui, répondre l'oiseau... à cette question. Parce que l'oiseau cache à l'eau, c'était particulier. C'est François Cadeau et Sandrine Héritier qui sont venus vers moi pour me proposer de venir en résidence chez eux. Mais voilà, ouais, non, pour les prix, je peux pas trop répondre. Non, sur ça m'a fait rencontrer des gens, par contre. Ouais, mais, c'est ça quand même. Mais voilà, Olivier. Moi, j'ai une anecdote par rapport justement à l'escargot de Joseph. Ouais. CNC. Parce que c'est très compliqué dans les commissions de court-métrage de faire passer des projets qui sont apparentés jeunes publics. Or, effectivement, ce projet de film avait ce côté un petit peu comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un film pour enfants, mais quand même un petit peu. Et c'est un lourd handicap quand on passe une commission au CNC, parce qu'ils voilà, ils aident des courts-métrages d'auteurs, quoi, on va dire. Voilà, on peut pas être auteur pour les enfants. Ouais, on peut pas être auteur pour les enfants, c'est pas possible. Pour les gens de l'animation, c'est acceptable, mais pour les autres, non, pas vraiment. Et je me rappelle très bien quelqu'un qui a dit bon, c'est vrai, c'est un peu pour les enfants, mais c'est quand même vachement bien, quoi. C'était vraiment, on sentait ce lourd handicap, et moi j'en ai jamais vu passer un autre qui a un peu ce profil là, quoi. Oui, parce qu'en plus il est pour les enfants, mais enfin moi je me souviens, je pense qu'en tant qu'adulte, par rapport à d'autres films pour enfants, là j'ai été voir Zarafa, qui est vraiment, par exemple, un film, alors c'est un long métrage, je sais, simplement, mais vraiment pour les enfants, c'est-à-dire que y a pas grand chose, je trouve, en tout cas personnellement, pour les adultes à récupérer. Autant les Escargots de Joseph, justement, je pense à ça, non, je pense que il y a plein d'adultes qui ont dû venir te voir pour me reconnais dans le personnage. C'est assez marrant après les projections, parce que j'ai autant des enfants et des adultes, toi, qui viennent me solliciter après pour reparler un petit peu du sens du film, etc. Et c'est vrai que même les enfants, finalement, le mot nombriliste, ils comprennent pas ce que c'est. Avant, je dirais que c'est préadolescent. Là, ils savent ce que ça veut dire, mais avant, non. Enfin, c'est du coup, il faut vraiment expliquer aussi. Ils comprennent pas. Enfin, ils comprennent que voilà, ces personnes ont un petit problème avec leur nombril et que c'est pas super de se transformer en escargot. Mais nombriliste, le mot, non, l'expression, ils ne la connaissent pas. Donc ça permet, en même temps, d'en parler, d'expliquer ce que ça veut dire, etc. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit l'histoire, je n'ai pas du tout pensé à un public, en fait. Je l'ai écrit parce que je l'avais dans la tête comme ça. Et après coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, mais est-ce que les enfants, c'est vrai, est-ce que je ne me coupe pas justement du public enfant? Je me suis dit, bah tant pis, j'y vais et puis on verra bien. Et effectivement, c'est l'expression, ils ne la connaissent pas, mais ça permet aussi d'expliquer aussi le terme de métamorphose, qu'est-ce que c'est qu'une métamorphose, tout ça. Et puis pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils vont voir les films aussi accompagnés avec et ça permet aussi de discuter de thèmes après. C'est ça qui a du sens aussi, quoi. Ils viennent pas juste regarder un truc et ils repartent. Est-ce que ça, finalement, réussir à bien parler aux enfants, c'est pas somnibuler à croire qu'on va leur parler en disant, tiens, il faut que j'emploie tel mot pour pouvoir leur parler, mais c'est finalement c'est d'avoir son propre langage en espérant ou que ça touche ou que ça touche pas, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est un film qui suscite énormément de questions quand je le présente, contrairement à L'Oiseau Cachalot. Là, les gamins, c'est une armée de bras qui se lèvent à chaque fois. C'est assez étonnant, quoi. Pour les Escargots de Joseph, ça dure vraiment longtemps à chaque fois, les débats après. Et à la fois sur le sens et puis évidemment sur la technique, mais le sens, oui, ça, à chaque fois ça m'étonne. Et j'ai pris l'habitude, finalement, de leur renvoyer leurs questions, parce qu'au début je voulais vraiment tout expliquer, que ils repartent de la salle en ayant tout bien compris, et en fait je me suis rendu compte en leur retournant la question, mais toi, qu'est-ce que tu as compris, pourquoi à ton avis ils se replient sur eux-mêmes, etc. En fait, souvent ils ont compris, mais c'est juste qu'ils veulent être sûrs, et voilà. Et ou alors il y a un autre enfant qui va répondre, enfin du coup ça crée aussi une discussion dans le public, et j'aime bien aussi ça. Et ça arrive pas avec les adultes ? Et avec les adultes, le fait d'être rassuré, d'avoir la réalisatrice en face qui dit, si, c'est ça vrai, que je voulais dire, si. C'est bon, alors oui, si, c'est arrivé aussi ça. Ouais, ouais. Et il n'y a pas des adultes qui sont venus me voir en disant, je sais pas forcément merci pour le film, mais en tout cas, moi je suis comme ça, je suis un peu comme le père. J'ai eu ça, et d'ailleurs ça m'a vraiment touchée. Je me rappelle d'un monsieur qui avait pas osé prendre la parole pendant le débat, qui a attendu la fin, qui est venu me voir, et là c'est hyper émouvant, quoi, parce qu'effectivement il m'a dit qu'il s'est complètement reconnu. Et puis voilà, il avait attendu que tout le monde parte parce qu'il n'avait pas osé, il était encore bien timide. Et puis c'est assez chouette. Après, j'ai aussi des gens qui ont été un peu choqués, enfin justement qui arrivaient avec des enfants et qui trouvaient que c'était vraiment, que ça faisait trop peur, etc. Que c'était pas. Mais bon, enfin bon, ça, oui, sur ça c'est ce sujet-là. Voilà, ça c'est un vrai problème. Ouais. Ouais, qu'on fasse une émission un jour sur pour les enfants ou pas pour les enfants, parce que c'est tellement énorme cette question. On a encore eu là sur image par image avec. Alors bon, c'est vrai que c'était pour les films de Tour de Minuit, il y en avait un ou deux, et la mère était sortante, elle était scandalisée. C'est vrai que c'est un grand problème sur l'image. Comme tu dis, c'est un film qui Olivier. Fait écho, en fait. C'est pas vraiment un film pour les enfants, à mon avis, mais ça fait écho aux enfants. Donc ils se sentent concernés par le film. Certains films ne se sentent pas concernés du tout. Mais finalement, est-ce que comme ça parle pas d'une problématique, d'un problème qu'on peut tous avoir, ça parle finalement, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça parle aux enfants, aux femmes, aux hommes, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus aux adultes. Je pense que ça peut, comme tu dis, monsieur, même s'il pouvait avoir, en disant c'est toujours timide et s'il a toujours du mal, Voilà, je trouve que c'est la force même du film à un moment donné quand il se retrouve justement et qu'il y a tous ces personnages qui se regardent et qui se voient d'ailleurs en adulte. Donc voilà, si il y a son double à deux moments dans le film, il se voit une première fois en adulte, Joseph, et une deuxième fois complètement transformé en escargot. Et voilà, donc c'est sa projection en adulte. Et voilà, c'est il y a ce thème là aussi. Comme ça se termine. Plutôt bien. Oui, donc après, c'est pas gagné, mais non, c'est un peu mieux. Mais quand même, c'est un peu mieux. On est soulagé. Il y a une chose qui est bien dans le. C'est vrai que des fois, c'est difficile, hein, les rythmes d'un film. Tu as travaillé avec un monteur. Je me rappelle plus s'il y a une monteuse. Il y a une monteuse, qui m'a pas mal aidé. Et puis. Et puis aussi, oui, parce que le film avait été préacheté par Arte, en fait. Et en fait, Hélène Vessière m'a fait changer. Alors, bon, j'étais toute crispée, mais changer ça. Mais elle m'a demandé d'inverser en fait les deux premières scènes, parce qu'en fait, au départ, ça commençait pas par le square. Enfin, on commençait directement. Dans la chambre de Joseph. C'était pas du tout le même montage. Et vraiment, je trouvais qu'elle avait vraiment tort et que, de toute façon, voilà, elle était trop interventionniste, etc. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit, puis j'ai essayé son montage le matin et ça marchait super bien. Et c'était, voilà, du coup, c'est le changement que j'ai fait. C'est une ancienne monteuse. Oui, et c'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs après. Et voilà, ça, c'est le gros changement que j'avais fait. Mais sinon, le montage, finalement, il était très, très fidèle à mon animatique. Voilà. Du début, d'accord. Ouais. L'oiseau cachalot, tu nous en avais parlé un tout petit peu, donc en effet c'était plus une commande. Alors moi, la différence peut-être de même des escargots de Joseph, j'ai l'impression que c'est plus pour enfants. Est-ce que c'était vraiment François et Sandrine, donc des éditions Corridor, ont lancé une petite collection là de livres DVD pour enfants à partir de 2-3 ans. Enfin voilà, c'est ce qu'ils, enfin leur ligne éditoriale, c'est ça. Du coup, je savais que bon, mais c'était compliqué, hein, parce que je sais pas ce que c'est écrire pour les enfants. Enfin, c'est du coup voilà, j'avais surtout envie de faire un film plus sur des sensations, deux personnages plutôt très simples, parce que justement après les escargots de Joseph, que bon, je trouve que voilà, il peut avoir aussi, il y a un petit côté où j'ai voulu tout mettre dedans. Il y a plein de marionnettes, il y a plein de décors, le scénario est quand même assez complexe. Et là, voilà, j'ai voulu aussi faire table rase de tout ça et faire un truc un peu plus suspendu, un peu plus léger. Et en espérant que ça plaise aux enfants, quoi. Voilà. Et donc, là, c'est en effet, c'est un petit peu, c'est une histoire d'amitié. Oui, c'est ça. C'est une histoire d'amitié, presque d'amour, même on peut dire, entre un énorme oiseau et une toute petite bonne femme, Léna. Voilà, qui se rencontrent et qui passent du temps ensemble. Ils font pas des choses très, forcément très passionnantes, mais bon. Non, mais il y a une espèce de légèreté dans le film qui est assez beau avec, comme on l'avait dit, on va pas revenir, mais sur le thème notamment, bon, on a un peu parlé de la nature et de l'arbre qui revient et finalement se retrouver, se perdre, revenir ensemble. Enfin voilà, je trouve que c'est un assez joli film pour ça. Est-ce que toi, c'était quelque chose, le fait de, tu nous avais dit, c'était la première fois que tu travaillais l'illustration, maintenant tu travailles un peu plus l'illustration, c'était la première fois. C'est quelque chose qui t'a. Je sais que tu l'avais dit, donc, mais c'est quelque chose qui t'a vraiment. Ça t'a perturbé en faisant le film aussi, c'est-à-dire que tu avais les deux en tête ou. Non, tu avais d'abord le livre. J'avais d'abord écrit l'histoire. D'accord, ouais, et avec les illustrations ou juste l'histoire. J'avais fait un certain nombre d'illustrations, et puis ensuite, je m'étais dit, je vais continuer vraiment l'histoire dans le film, et puis en fait, au moment du film, je me suis dit, mais j'ai envie juste de faire une série de séquences qui suivent sans forcément scénariser trop. Et du coup, voilà, le fait qu'il y a quand même une histoire un petit peu dans le livre, je me suis dit, je me permets d'être plus libre dans le film, du coup, et pas forcément, d'avoir un truc très, moins classique, quoi, finalement, dans le film. Et donc, de jouer sur les choses visuelles, il y a des choses très jolies. J'avais le moment de la pluie, où, il se tourne le dos, mais il la protège quand même. Oui, c'est ça. En fait, on se demande presque s'ils se font pas un petit peu la tête après qu'il ait mangé le mouton. Bah oui. Parce que voilà, Léna s'occupe d'un mouton, il est un peu jaloux, donc il le mange. Et après, voilà, tout de suite après, ils sont dos à dos, donc bon. Et puis il pleut, et bon, voilà, il la protège, et ensuite il se réconcilie à travers la musique. Voilà. Et donc, comme tu disais, en effet, le message est quand même plus. Tu parlais d'histoire d'amour, peut-être pour les plus grands, ou d'histoire d'amitié pour les plus petits. En fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans la trame narrative finalement. Et est-ce qu'il y a l'idée quand même de se dire que, comme c'est un livre, comme c'est une maison d'édition, de reprendre les personnages pour les remettre ailleurs, ou non, c'était vraiment un seul livre, un seul film et... Oui, c'était un seul livre, un seul film. Il n'y a, pas d'envie d'en faire une série, mais en tout cas d'en avoir... Non. D'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on avait posé la même question même sur Joseph plusieurs fois quand j'ai présenté dans les salles. Est-ce que on a envie presque de le revoir dans d'autres Et puis bon, tu dis non. Bon, il pourrait avoir une autre lubie hein, que les escargots, etc. Refaire, je sais pas, Joseph et les... Et les fourmis, mais bon, non. En fait, quand je fais un film, je suis content d'avoir passé du temps avec un personnage, mais bon, après, c'est fini, ouais. Sauf que si je disais une suite, c'est que Joseph, en effet, me paraît, justement, c'est aux spectateurs, finalement, aux gens qui ont vu le film, de faire leur propre histoire, de les lâcher là, et quelque chose de plus, impressionniste, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu plus, on sait pas trop ce qui se passe, chacun invente un petit peu, mais on peut imaginer un autre jour, un autre avec un troisième personnage qui arrive, et quelque chose qui complexifie finalement la chose, encore une fois même dans le rapport à l'enfant, quoi. Oui, complètement, chacun peut imaginer après ce qu'il veut. Mais là voilà, mais c'était pas venu, envie. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme envie aujourd'hui? Tu travailles plus dans l'illustration que dans l'animation? J'ai envie de revenir à l'animation, là. J'ai commencé à écrire, mais vraiment juste démarré un tout petit projet de film que j'aimerais bien peut-être faire en marionnette, retrouver un petit peu la marionnette. Voilà. Ce qu'on appelle les oiseaux cachalots. Oui, c'est du papier découpé. C'est vrai. C'est une moitié dessin animé, moitié papier découpé. C'est du papier découpé, mais par substitution sous la caméra. Vas-y, explique un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Je commençais par faire une anime papier traditionnel, donc au crayon sur une table lumineuse, et ensuite je décalquais chaque forme sur un rhodoïde avec un feutre indélébile comme ça. Je décalquais la forme de l'oiseau, je collais du tissu dessus et je découpais ma forme en numérotant chaque forme d'oiseau. Et ensuite, sous la caméra, je substituais les différentes formes de l'oiseau pour que ça puisse s'animer, enfin voilà, qui modifie image par image comme ça. C'était très long. J'aime bien pour quelqu'un qui dit j'ai fait un film un peu plus facile et un peu plus simple. C'est ce que je me suis dit en débarquant à Beauchastel avec mes valises. Je me suis dit je suis là, je vais le faire hyper rapidement. Et puis non, je suis restée 6 mois là-bas. Mais voilà. Olivier, tiens, puisque c'est intéressant, on m'a posé la question. Je sais qu'on a des cours tous les deux au Gobelin pour les gens de la production, hein, si je dis pas de bêtises, et je montrais l'écran d'épingle d'Alexeïev et je ne sais plus quoi d'autre j'ai montré après, et évidemment quelqu'un me disait pourquoi ils s'embêtent autant que ça, alors Alexeïev c'était truc, mais Fastfilm, mais pourquoi il ne fait pas directement sur ordinateur, il pourrait le faire. Et c'est vrai que je disais qu'il y avait un côté très artisan, il y avait un côté de venir souvent du dessin, souvent d'avoir la texture, d'avoir la matière, et que c'était important. Toi, t'en as comme ça des auteurs, Kiki de Montparnasse, j'espère qu'elle viendra une fois que le film sera fini, mais d'autres films aussi où d'un seul coup ça te fait peur parce que comme Sophie, il y a quelqu'un qui viendra qui dit non, alors finalement ça devait être simple, mais je vais utiliser 3 marionnettes, tu vas voir, mais ça va être intéressant. Et ouais, il y a clairement dans l'animation, enfin en tous les cas pour une partie des gens qui travaillent dans l'animation, il y a un plaisir de fabriquer avec ses mains. Donc c'est, après il y a des gens qui ont tendance à se perdre aussi là dedans, notamment dans un désir de perfection, et puis ils veulent plus trancher, ils veulent plus arrêter, on a l'impression qu'il y a une espèce de drogue comme ça, et ils s'épuisent à ça en fait. Donc là, le danger il est là. Après qu'il y ait un plaisir à faire, surtout quand c'est son propre univers, ça c'est évident, puis c'est vraiment moteur pour le film. Mais bon, il y a à la fois l'épuisement et puis aussi le fait de garder en tête le film lui-même, c'est-à-dire ce qu'on raconte dans le film et de pas uniquement être dans la fabrication. Donc ça, c'est des garde-fous pour un producteur, faire attention à ce genre de choses-là. Mais bon, quand Sophie, on est passé par la poudrière, on a déjà un petit peu d'expérience par rapport à ça. On vous oblige à cadrer un peu, etc. Vous voyez pas, mais il y a quelqu'un qui a les yeux perdus dans le vague. Elle pense à tous ces pots qu'elle a chez elle pour animer. C'est Florentine. Elle s'est dit, en effet... Parce que toi aussi, c'est dur, hein, de ne pas dire tiens, je vais faire ça avec telle texture, même si là tu fais ton film sur Oui, alors là, je fais un film sur ma Nintendo DS, donc bon, c'est plus simple, bon, c'est une certaine technique. Mais sinon, oui, c'est dur de trancher pour les techniques. Une fois qu'on a trouvé la technique, après, on est lancé, il faut avoir le film en tête. Et après, on fait un film, on fait pas de l'animation pour de l'animation. Après, on fait un film, donc c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas cette... Vous êtes, comme le disait Olivier, il y a pas cette idée d'être technicien, parce que pas dans le bon sens du terme, enfin voilà, dans un sens noble du terme. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi de se dire, ah là, mon mouvement, oui, c'est je ça, pourrais quand même le faire encore un peu mieux. Mais bon, c'est bon, voilà, il faut pas faire de l'animation. Enfin, c'est ça, il faut pas se perdre dans l'animation et juste dans la beauté du mouvement. Et il faut se dire, bon, il faut avancer, il faut que le film soit fini, il faut que le film vive, il faut un moment que ça se finisse, quoi. Sophie, toi, pour le The Cachalot, si t'avais dit, ça va pas être long, finalement, quand ça a pris plus de temps. Les producteurs, enfin en tout cas, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à un moment donné, faut s'arrêter là, faut peut-être qu'on sorte le livre ou... Bah non, parce qu'on n'avait vraiment pas d'échéance, tout D'accord. ça, donc du coup, bon, voilà. C'était l'hiver, j'étais coincée dans un petit village recouvert par la neige en Ardèche. De toute façon, je pouvais pas avec sortir. Ça, d'accord. j'ai un exemple par rapport à ça. Et récemment, je discutais avec une jeune femme qui a fait des tests pour Florence Mihail pour son long métrage. Donc en peinture animée, elle a fait un appel comme ça pour faire passer des tests. Et donc on a fait ses tests, puis ensuite elle a montré ce qu'elle avait fait. Et Florence lui a dit... c'est superbe, mais t'as vu ce que t'as fait en deux jours. Et en fait, c'est pas ça, faire un film. Il faut faire le film, il faut donner du mouvement, etc. Alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très... effectivement, elle a beaucoup de plaisir à fabriquer, Florence Mihail, mais elle fait un film, elle donne un mouvement, etc. Elle est pas à on en reparlera pour Nordstein peut-être. Oui, c'est dans temps. Elle est pas à pinailler sur que l'image soit parfaite, etc. Et voilà. Ouais, il faut faire des choix. On est complètement dedans. Donc on peut espérer quand avoir un. Donc là, c'est plutôt les illustrations pour l'instant. Il y a un livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il y a déjà un an. En fait. Un an déjà. Non, là, je suis moins bon en livre. Je travaille beaucoup sur des ateliers, des choses comme ça en ce moment. Et puis je travaille aussi pour Antoine Lancio, qui a écrit Le Noël de Léon, Le Printemps de Mélie, etc. Qui a un projet de 26 minutes, un nouveau projet avec Folimage, en papier découpé. Et il m'a demandé de développer l'univers graphique. Donc je travaille là-dessus en ce moment. Donc pas de retour à la marionnette pour l'instant. Coup, pas encore. Mais bon, je vais essayer de démarrer quand même mon projet. Puis enfin, en tout cas, l'écriture, d'arriver un petit peu à définir les choses et puis voir voilà comment, en termes de temps et d'agenda, comment je peux faire. Mais oui, ça manque beaucoup là en ce moment de pas être sur un projet de film. Ouais. Parce que les ateliers, c'est bien, mais je suppose ça. Bah oui, non, ça prend de l'énergie. Ça prend pas mal de temps, d'énergie. Après, c'est super. Enfin, moi, j'adore parce que voilà, ça nous fait aussi rencontrer des gens. Et puis, c'est crevant, mais c'est ça nous sort justement de notre petit monde nombriliste aussi. C'est pas mal. Mais voilà, après, oui, Florentine, tu connais le le truc, il faut savoir trouver aussi, l'équilibre aussi. Faut trouver l'équilibre, voilà, et d'avoir des pleines journées où on bosse que pour nous, et puis après, voilà, d'autres où on fait des ateliers, mais c'est pas évident. Dernière question que j'aimerais poser, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant, et je les sens de plus en plus, pas perdu, mais un petit peu quand même, quand on voit le nombre d'écoles maintenant, etc., par rapport aux étudiants. C'est la question bête, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a... C'est pas contre la poudre et l'herbe, est-ce quelque chose qu'on t'a pas appris pendant que t'étais à l'école et tu te rends compte aujourd'hui que tu sais, putain, ça, j'aimerais bien qu'on... Si on avait pu me dire ça, si un prof avait pu me dire ça, ça me servirait aujourd'hui. Alors moi, disons que c'est plus... quand j'étais à l'école, quand j'ai démarré à l'école, j'étais complètement autodidacte. Et je m'attendais justement, moi ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était le volume, la marionnette. Et je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup d'exercices justement, de possibilités de faire de la marionnette. Et finalement non, parce que cette école, on est censé déjà un petit peu savoir animer avant de l'intégrer. Ce qui n'était pas trop mon cas. Du coup, j'étais un peu frustrée de ça. Et puis qu'on expérimente aussi. Je trouvais qu'on n'expérimentait pas assez de choses. J'étais des fois un peu jalouse des arts déco à Paris, où je trouvais que justement, pousse ses élèves à chercher des choses, à prendre le temps en tout cas de faire ça. Nous, on est vraiment vraiment dans des exercices à chaque fois assez pointus qu'il faut mener de A à Z. On les montre à tout le monde à la fin, etc. Donc il y a un côté très professionnalisant là pour voilà dire. C'est ça. Et en même temps, ce côté professionnalisant, ça m'a complètement aidée pour la suite. Donc c'était vraiment plus quand j'étais à l'école, je trouvais que ouais, j'aurais presque un peu plus envie qu'on expérimente plus de choses, qu'on soit un peu plus libre, qu'on ait un peu plus de temps, parce qu'on a un agenda qui est vraiment... j'ai jamais été aussi crevée que pendant ces deux ans à la Poudrière. Mais par contre, après, non, je me rends compte que ça m'a aidée. Donc je peux pas vraiment dire finalement... sur le moment que j'ai trouvé peut-être... Florentine, je te pose la question après. Je vais dire rien en direct. On va mettre un tout petit morceau. Tu vas voir quel morceau. Voilà, le 3. Et vous allez voir, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'arrivais pas à trouver des morceaux et j'ai décidé de rendre hommage avec des morceaux très courts. Pas rendre hommage, parce qu'il est toujours vivant, même s'il tourne pas. Un grand réalisateur, je me disais, il y a Yuri Einstein, et comme on va parler d'un réalisateur japonais aussi tout à l'heure, un autre réalisateur japonais qui s'appelle Nagisa Oshima. Et on va écouter, alors vous allez voir, c'est assez surprenant. Ça dure 1 minute 40 et c'est un morceau de... 38, ouais, j'étais pas loin. Donc 1 minute 38 d'un film qui s'appelle Band of Ninja, qui est passé récemment à Pompidou et qui est le seul film d'animation qu'a réalisé Nagisa Oshima, voilà, qui est vraiment de l'image par image. Il y a pas du tout de mouvement parce qu'il filme les cases du manga, et voilà, selon un mouvement, qui est un film que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc on écoute, c'est 1 minute 38 et on revient juste après. Merci Ariel. 影丸、影丸、何をするのか影丸。風に乗り、風に消える。どこから来たか影丸、どこから来たか影丸。 苦しみを知らない男、喜びも知らない男、ただ一人大地の果てに夢を見る。影丸、影丸、どこへ行くのか影丸。 Donc toujours Bulle de rêve sur Radio Libertaire, une émission Bulle de rêve donc spéciale Yuri Nordstein. Oui, j'ai bien prononcé, parce que sinon je dis Nordstein, et en effet depuis le début, je pensais le N Nordstein. Donc j'essaie donc de faire croire que c'était à la japonaise, mais je pense que voilà, je sais pas pourquoi j'ai... C'est ce truc. Donc Nordstein, ça passe moins bien je trouve, Nordstein c'était plus joli. Donc j'ai dû changer son nom. On va le rebaptiser aujourd'hui. Et donc on va entendre maintenant Florentine qui présente son agenda. Alors... Je présente mon agenda qui finalement progressivement a été repris par l'AFCA. Donc en fait voilà, on faisait un agenda de ce qui se passait en animation parce qu'il en existait pas jusqu'à maintenant. Et moi quand j'étais étudiante et que je voulais aller voir des séances, c'était un peu galère pour tout regrouper. Donc on avait eu l'idée de le faire à l'antenne. Et bon, j'ai donné plus ou moins l'idée à l'AFCA pour que ça puisse passer un peu. Et donc depuis janvier, c'est vrai que l'AFCA fait un agenda qui est très très complet puisque il y a beaucoup d'informations, etc. Et donc moi pour le coup maintenant je fais quelque chose de moins exhaustif et je choisis un peu ce qui nous plaît, enfin ce qu'on a remarqué un peu dans tout ça. Sandrine, je te coupe juste parce que comme oui. Olivier là il faut quand même qu'on dise que l'agenda a été supprimé pendant très longtemps quand j'ai repris l'émission, mais que pendant longtemps D'accord. quand même Annabelle notamment, mais pas qu'elle, faisait un agenda justement, donc voilà, et avant elle Marina, donc voilà, donc on a eu deux personnes vraiment importantes, on est resté longtemps à l'AFCA, elle aurait pu venir là pour nous parler de Nordstein. décidément. Yuri Nordstein. Non, mais maintenant, je suis perturbée pendant toute la. Et Annabelle, qui maintenant est partie et travaille, enfin, est partie, travaille autour de Minuit, elle était venue nous voir, alors qu'elle travaillait encore dans cette société dont j'ai oublié le nom. Premium. Merci, Premium. Et maintenant, elle travaille autour de Minuit. Et maintenant, je me tais. Tout ça pour dire qu'en tout cas, vous pouvez récupérer l'agenda de l'AFCA qui fait 14 pages en PDF avec plein d'infos sur www.afca.asso.fr. Et donc là, je vais vous parler de quelques événements, mais vous pouvez aller compléter. Elle bosse de moins en moins, donc elle essaye de Oui, c'est montrer. Ça, c'est un peu. Alors, donc, je vais commencer, je vais rebondir un peu sur ce que tu as. T'avais commencé à parler un peu de Tim Burton à la Cinémathèque française. Donc vas-y, énerve-moi. On va parler un peu de la Cinémathèque française avec l'expo qui commence à partir du 7 mars et donc il y a pas mal de projections autour. Donc il y a bien sûr tous les films de Tim Burton. Donc on va avoir L'étrange jeune de Monsieur Jack. Qui n'est pas Tim Burton. Hein. De Henri Selick, mais qui est dans le cycle. D'ailleurs, la Cinémathèque française a bien mis de Henri Selick. Tout le monde l'aimait bien quand même. Voilà. Mais donc, qui est projeté avec en avant-première le court-métrage Vincent. Voilà. En avant-programme. Ils vont essayer de tu nous me perturbes aussi. C'est un film inédit. Non, c'est pas inédit, mais voilà, ils le projettent avant. Donc ça, on a plusieurs projections le 8, le 24 et le 28 mars. Et on a Les Noces Funèbres, donc le 21 mars. Et alors, ce qui est intéressant, c'est Rick Hendricks, qui est sûrement la personne qui est derrière le travail pas mal de, ainsi que les frères Chiodo, derrière le travail en animation de Burton, qui finalement anime pas du tout lui en volume. C'est un animateur en dessin, voilà, traditionnel, mais il anime pas du tout de volume. Sera normalement, je crois, présent à un moment donné. Donc, ça peut être intéressant de voir plutôt que. Enfin, voilà. C'est bien de découvrir sur grand écran pour ceux qui l'ont vu. Moi, vraiment, je l'avais vu, je l'ai vu qu'en DVD, L'étrange de Monsieur Jack. Donc, c'est vrai, voilà. Il y a des choses comme ça sur grand écran. Et donc, on a aussi, donc, autour, on a par exemple le 17 mars une séance Tex Avery Follies, qui apparemment, que Tim Burton a mis en avant. C'est des choses de ce qu'aime Tim Burton, donc pour le coup, de la 2D. Mmh. Et on a aussi le 7 mars à 14h30, donc le programme Même pas peur. Ouais, à mon avis, c'est pas Burton qui l'a mis, Même pas oui, peur. Oui, mais pas Même pas enfin, peur. Enfin, à moins qu'il ait peut-être vu Bisque la vraie. Même pas peur, c'est dans le cycle un peu monstre, mais par exemple, Tex Avery Follies, apparemment, c'est oui. Sur les goûts de Burton. Ah bah oui, il y a une grande originalité au niveau de ses goûts en animation, Burton. Donc voilà, le programme Même pas peur, le 7 mars, qui regroupe pas mal de courts-métrages, dont Bisque la vraie, Citrouille et Vieille Dentelle, Logjam de Alexei Alexeev, La Saint-Festin, enfin plein de courts-métrages et un programme assez intéressant, donc le 7 mars à 14h30. On va continuer avec le studio des Ursulines. Alors, je vais pas vous parler d'Animal Indie, parce que pareil, vous pourrez retrouver toutes les informations. Il y a une projection autour de Cube Créative. Là, je vais vous parler plutôt le 8 mars à 20h30 de la première projection de court-métrage organisée par Format Court. Donc, c'est le 8 mars à 20h30. Donc, Format Court, c'est un site consacré aux courts-métrages. Et donc là, ils vont projeter 5 courts-métrages, donc 2 d'animation. Alors, je sais pas si on dit un ou one de Noah Mir, je sais pas quand il prononce le court-métrage. Bah, je pense c'est dièse 1. C'est pas flamand, donc peut-être que. Voilà, enfin, je ne sais pas trop. Et donc, je sais pas comment on dit un. O Willy de Emma de Swaef et Mark Wells. Et donc, c'est en présence de la réalisatrice Emma de Swaef. Qui avait fait vraiment, voilà. Alors je l'ai pas vu avec clairement son premier cours, qui était de la cambre, qui n'était pas de la Cambre, avec Studien, n'importe quoi, qui était de je ne sais plus quelle école en Belgique, je suis désolé, et qui était très très beau déjà. Et c'est avec du tissu, enfin, c'est du feu, de la feutrine, enfin voilà, c'est super beau. T'as vu toi, Willy, t'as pas vu le. Non, moi j'en ai vu que des. Il y a des extraits sur Internet. Des marionnettes et extraits, ouais. Voilà, et donc l'entrée est à 6€ et il faut réserver sur info@formacourt.com. Il y a aussi l'eau technique, il y a aussi des films de l'eau technique. En prise de vue, comment on appelle oui. ça direct oui, oui. Oui, prise de vue. Oui, j'ai dit qu'il y avait 5 courts-métrages, dont 2 d'animation. Donc voilà, j'ai cité les 2 d'animation, mais voilà, il y a 5 courts-métrages en tout. Ensuite, donc là, lundi 12 mars à 20h à l'AFEMIS, première fois qu'on parle de l'AFEMIS dans l'agenda, il y a l'avant-première, donc cette fois-ci une avant-première de The Plague Dog, donc qui est un film. Un film anglais sorti en 1982, mais pas sur nos écrans français, en fait, qui est jamais sorti, et qui là est distribué par Splendor Film. Et donc, pour l'occasion, en fait, le film sort le 4 avril en France, et pour l'occasion, les étudiants du département distribution et exploitation de la FEMIS invitent à une projection, d'ailleurs, qui est suivie par un cocktail, ça a l'air très sympa, et qui est donc présenté par Alexis Huneau. Enfin, tu fais quelque ah chose bon autour. Apparemment. Ouais, oui, ils m'ont contacté en effet pour présenter. Alors c'est intéressant parce que c'est gratuit. Ça permet de rentrer à la FEMIS, ça permet de voir comment est la FEMIS. En effet, ça permet de voir The Plague Dogs, qui est un film assez étonnant, assez enfin voilà, qu'on redécouvre, à mon avis, qu'on peut redécouvrir ce genre de film qui aurait pu, enfin voilà, qui fait partie d'un. On parle souvent des années 70 avec Ralph Bakshi, et ce film-là aurait pu vraiment amener quelque chose d'autre. Ça n'a pas fonctionné avec When the Wind Blows aussi, un petit peu, qui va sortir d'ailleurs sur le nucléaire, même si lui était sorti de Jimmy Murakami. Donc c'est un film intéressant, et normalement, mais ça peut encore marcher, ça, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ensuite il y aura une liaison satellite, enfin je ne sais pas si c'est un satellite ou je ne sais pas, mais en tout cas on devrait avoir Martin Rosen, donc le réalisateur, et il devrait y avoir un petit débat avec lui, ou alors bon, visiblement, c'est pas moi qui vais m'en occuper, mais c'est le distributeur, il préfère peut-être être tranquille et le faire lui-même. En tout cas, ça peut être vraiment une soirée intéressante. Oui, donc c'est gratuit en plus. Et il faut juste réserver à voir et revoir à femis.fr, mais bon, apparemment, c'est une grande salle, c'est dans l'auditorium de la Femis, apparemment. Oui, mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est intéressant, je trouve que la Femis se mette à l'animation. En tout cas, oui, qui commence en montrer, c'est déjà bien. On enchaîne avec le Centre Georges Pompidou, donc on va reparler un peu du cycle Planète Manga dont on parle depuis janvier, avec là pas mal de longs métrages pendant tout le mois de mars qui vont être projetés. Alors bon, moi j'aime beaucoup Omoide Poro Poro, donc Souvenir goutte à goutte d'Isao Takahata qui va être projeté donc le 9 mars à 20h. Il y a aussi le Tombeau des Lucioles qui sera reprojeté le 11 mars. On a également des films, tous les longs métrages de Makoto Shinkai qui vont être projetés. On a Jeune d'Hiroshima de Mamoru Shinkazi, My My Miracle de Sunao Katabuchi, enfin pas mal de longs métrages. Et surtout, donc le 17 mars, qui est un peu la journée phare de mars pour ce cycle, on a Mind Game de Yuasa à 18h30, et suivi par une carte blanche du réalisateur de la maison en petit cube, Kunio Kato, donc qui est en France aussi pour le Salon du Livre. Ouais, on vous proposera. Voilà. Une grande ambassade sur ce web anime, mais je pensais un petit peu ici une interview que j'aurais faire donc sur le Salon du Livre, donc ouais. Voilà, donc le 17 mars à 20h en sa présence, voilà. Ouais. Et donc au même moment à Lille. Oui, on sera parti à Lille. À Lille, il y aura aussi un japonais qui est peut-être un peu plus connu Katsuhiro Otomo, donc créateur d'Akira, qui sera en France pour les 30 ans d'Akira. Voilà, du manga, donc pas du. Oui, du manga, pas du long métrage. Et donc pour l'occasion, il y aura trois projections donc d'Akira, de Runjin Zen, que je n'ai pas vu du tout. Intéressant, voilà. Et Steam Boy. Et donc avec une masterclass le dimanche au Frénois, le dimanche après-midi au Frénois. Sûrement après Steam Boy, donc a priori vers 17h30, quelque chose comme ça. Voilà, donc là c'est donc il est là pour la fête d'animation de Lille, donc qui a lieu du 15 au 18 mars. Qui existe depuis 2004 et qui montre de l'animation sous toutes ses formes, donc que ce soit court-métrage, long-métrage, série télé, jeux vidéo, installation, un peu de tout. Et là d'ailleurs cette année, il y a un focus spécial sur le visual design. Voilà, bon, je sais pas trop ce que c'est, mais bon voilà, c'est le moyen de le faire découvrir justement. Et on a aussi le Québec comme pays invité, donc avec pas mal de résistants de l'ONF, et on a Jacques Drouin, Théodore Youchef et Steven Wolochen, c'est ça, qui seront présents et avec plusieurs programmes. Olivier Catrin, qui, alors que je voulais faire la rencontre avec Théodore Youchef, j'avais demandé de faire la rencontre avec Théodore Youchef, et c'est Olivier Catrin qui l'a fait. Donc bon, mais je l'ai invité quand même, hein, comme quoi. Ouais, vraiment, je n'en veux pas, mais je voulais la faire cette rencontre avec Théodore. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tu veux qu'on la fasse à deux, Alexis? T'as déjà eu 3 heures avec Théodore en tête à tête au forum des images. Oui, mais je voulais là avec. On verra. Et merci. À cette occasion, donc il y a pas mal de programmes, et j'ai vu qu'il y avait un programme sur les réalisatrices justement de l'ONF, avec pas mal de courts-métrages qui sont très peu montrés. Ouais, non, si vous avez l'occasion, donc, c'est. Même les films de Wolochen sont pas souvent, ça va être de McLaren à Wolochen, même si je suis pas un fan de ce que fait Steve Wolochen. C'est quand même assez intéressant, donc il y a vraiment, voilà, donc là il y a une bonne, ça a été mis en place par Antoine Marcel Jean, non, c'est Marcel Jean, oui, mais Marcel Jean, donc grand connaisseur d'animation, on va se retrouver tous là-bas, et donc voilà, donc ça va être vraiment, si vous pouvez pas venir à Paris, enfin si vous êtes pas au Mongrel, si vous pouvez venir à Lille aussi. Alors, c'est justement, si vous voulez venir. Donc il y a l'AFCA qui a mis en place, avec les rencontres audiovisuelles qui organisent la fête de l'animation de Lille, ils affrètent spécialement un animabus au départ de Paris, donc pour y aller du samedi matin au dimanche soir. Voilà, on peut réserver jusqu'au 8 mars, et donc il y a un pack un peu avec le transport en animabus plus la nuit d'hôtel et le pass de la fête de l'animation, tout ça pour une somme modique. Donc, je vous avais jusqu'au 8 mars. Oui, voilà. Vous avez jusqu'au 8 mars pour réserver vos places. Comment on a fait de l'art bon, je vais changer l'année prochaine. Si vous voulez prendre la place de Florentine, envoyez-moi. Non, mais pas c'est bien comme. En AFCA. Même si j'étais pas dans l'AFCA, j'en parlerai parce que c'est une bonne initiative. Je ne parle pas de toutes les initiatives de l'AFCA, mais je parle de celles qui sont bonnes. D'accord. Voilà. Bon, alors, on enchaîne. On va rester sur, on va revenir sur Paris pour rappeler que donc Yuri Norstein sera là du 23 au 25 mars au Forum des Images. Donc c'est un week-end Kawamoto Norstein. On va en reparler. Voilà. Donc on va en reparler. Ouais. Et donc il y aura bien sûr des projections de tous les films de Norstein et d'une grande partie de ceux de Kawamoto. Une conférence sur son œuvre et sur sa vision artistique et ses relations avec le Japon. Donc on va en reparler, mais à ne pas manquer, faites au moins une ou deux séances, même si vous pouvez pas faire tous les trois jours. Moi je pourrais pas faire tous les trois jours. Voilà. C'est... En fait, elle se fait son agenda pour elle-même. Oui, tu peux pas tout faire, mais c'est un peu mal. Ça. Donc voilà pour les projections. Je vais rappeler les sorties cinéma, enfin en tout cas deux sorties cinéma que j'ai repérées pour mars. Donc le 14 mars, il y a Alois Nobel qui sort, qui est réalisé par Thomas Lunak, qui est un film inspiré d'une bande dessinée qui revient sur deux épisodes de l'histoire tchèque. Donc que moi pour le coup je connais mal, mais d'un côté il y a l'expulsion des minorités allemandes des Sudètes et de l'autre l'effondrement du régime communiste à travers la révolution de velours de 1989. Donc c'est un film en noir et blanc pour adultes qui apparemment est assez fort et qui a l'air très intéressant et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de longs métrages de pour adultes qui sortent avec donc le Black Dog qui sort en avril, donc à aller voir. Et on a le 28 mars donc le dernier long métrage des studios Hardman. Alors, le titre français, c'est Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout. Voilà, réalisé par Peter Lord. Et donc, ça a l'air d'être bien. En tout cas, les trailers. Dont je vous dois normalement bientôt une longue interview que j'avais faite quand il était venu pour la fête de l'animation. Et lui aussi, on avait pris 2 heures, je crois, pour discuter ensemble. Donc, une grosse interview que je ne mettrai pas. On ne passera pas tout en entier ici, mais qui est vraiment intéressante. Olivier veut dire quelque chose. Oui, moi, je voudrais rajouter 2 choses à l'agenda. Oui. Une activité. T'avais fini ton agenda. J'ai juste. J'ai fini pour les projections et je voulais juste dire que au musée de la Poste, du 18 mars au 25 août, il y a une exposition sur les coulisses du film d'animation. Donc, l'exposition qui est temporaire retrace l'histoire du film d'animation, mais bon, alors quand on lit la petite chose de presse, ça mélange un peu tout ça. C'est pas toute l'animation, ils mettent en avant plus la 2D et la 3D à travers certains exemples. On parle un petit peu de volume, oui, ce qui voilà. Parle de Renka, ils passent un peu de volume, mais par exemple la 2D, l'exemple choisi c'est Oggy et les cafards, ou bon, c'est des choses où peut-être des fois on peut, mais c'est un public une belle plus initiative large, et ça va montrer comment on fait l'animation et ça a aussi montré tout ce qui est pré-cinéma, Tomatrop, etc. Si vous connaissez bien l'animation, voilà. Ça vaut peut-être pas forcément le coup d'aller voilà, la voir, on va dire. Voilà. Mais c'est une bonne initiative et il y a l'air d'avoir pas mal même d'originaux intéressants de Kirikou, de Paul Grimaud, etc. Voilà, c'est fini. Oui, alors 2 choses. Actualité de fin de mois. À la Biennale d'animation de Pontarlier qui a lieu le dernier week-end du mois de mars. J'en parle parce que les 3 ours sont invités d'honneur, donc j'y serai avec Serge Elissade et avec Émilie Mercier. Très bien. Et puis, autre chose, on n'a pas encore communiqué là-dessus, mais le 27 mars à Paris, à l'INA, rue de Pathé, une journée de rencontre sur le cinéma d'animation et la vue réelle, avec plusieurs tables rondes, j'en animerai une. Il y aura notamment des gens comme Didier Brunner, Jacques Bled, c'est pas tout à fait confirmé, mais le patron de MacGuff, Didier Brunner c'est les armateurs. Et moi j'animerai une table ronde avec quelqu'un des films d'ici, de Magnificat Films, et le réalisateur Laurent Chevalier, qui est un réalisateur de films documentaires, qui a un projet de film documentaire animé. Voilà. Bon, maintenant, quand ça, le 27 mars. Et alors, on s'inscrit comment? Eh bien, c'est ouvert gratuit, au public. Oui, c'est ouvert au public. Bon, bah, génial. Et alors, avant de faire une petite pause, on va changer, évidemment, comme d'habitude, l'émission, mais c'est pas grave. On est habitué. Je vais t'expliquer ça. Je vous parle aussi, vous savez, qu'il y a un nouveau film, là, qui sort bientôt. On l'espère dans tous les bons festivals. Le festival de Roanne, que moi, je connaissais pas, qui est un festival qui doit être à sa deuxième ou troisième édition, avec une affiche qui a été réalisée donc par Franck Dion. Franck sera là-bas, il est souvent venu ici à ce micro-là, donc vous le connaissez, l'inventaire fantôme, Monsieur Coq notamment. Et donc Franck sera là-bas pour faire aussi, si je vous en parle, c'est qu'il va, il fera une masterclass, ou en tout cas voilà, donc ça peut être vraiment intéressant, les rencontres, et voilà, peut-être que vous pourrez voir quelques images de son nouveau film. On espère qu'il viendra de toute façon nous en parler, évidemment, ici. Alors, le running gag des émissions depuis 3 mois, je devais vous passer aujourd'hui parce que je me suis dit, j'aurai le temps aujourd'hui. C'est vrai, ça fait déjà 3 mois. Oui, une sublime chanson de Kate Bush sur son dernier album, qui dure 8 minutes, s'appelle 50 Words for Snow, donc 50 mots pour la neige. Je trouvais qu'en plus pour Einstein, ça allait merveilleusement bien parce que ça parlait, voilà. Donc, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps, donc ce qu'on va faire. Parce que, ça fait 10 minutes. Vous avez beaucoup entendu parler de cette chanson. Donc, ça fait 8 minutes, c'est pas évident à placer en plein milieu. Donc, ce que je te propose, Ariel, c'est de passer directement, on la met en parenthèse. Voilà, hein, pour l'instant, la quatrième. Et on va passer directement à la. Alors là, vous allez voir en direct. À la je mets en veilleuse alors. Hein ? Je mets en veilleuse. Ouais, tu la mets en veilleuse celle-là, je t'en remercie. Tu vas passer, si c'est possible. Donc, ça c'était la combien ? C'était la 4. Donc tu peux passer. Est-ce que tu peux passer le 5 et la 6 à la suite. Alors vous allez voir, c'est un petit peu différent. Le 5, vous allez en entendre le monsieur qu'on a entendu. Vous auriez dû l'entendre après, mais on va pas s'embêter. Donc le 5 et la 6 à la suite, ce qui doit être assez court. On se retrouve dans 2 minutes et quelques. Bah, la 5 fait 1,35 et la 6 1,15. Ouais, c'est ça, donc dans 2,50, dans moins de 3 minutes. Comme ça, le temps d'aller chercher à boire, enfin un truc comme ça. Et on se retrouve pour parler de Yuri Lanchin. À tout de suite. Среду. Да, пространство. Это было самое сложное. Это, пожалуй, вообще самое трудное найти эти сопряжения пространства и персонажа. Вот я не знаю, если вы знакомы с японским искусством, а то вот у них такое, может быть, белый лист пространства, ветка одна, все, больше ничего, не надо. Европеец так никогда не поступает, он все заполнит, он более прагматичен. Я все время ходил, конечно, все время меня не отпускало. Пока случайно не увидел фотографию в одной книге, одна из моих таких любимых книг «Греческой цивилизации», сидел, листал ее, думая о своем. И я там увидел птиц. По-моему, даже это были цапли, не помню. Среди камней. Среди развалин. И дождь, то же самое с дождем. Это просто внимательное рассматривание гравюр тех же японских. Где, как там сделан дождь. Буквально вот так прочерчу, как дети. Так же я на целлоиде вот так же сделал его. Потом двигал, цапли, журавли, двигал его. Жуковский высветил дождь. Он высветил, допустим, ярче, чем он должен быть. Поэтому он начинал светиться. Значит, этот дождь такой получается солнечный, а другой дождь, наоборот, сумеречный. Но принцип тут, принцип один. C'était Toujours, donc vous êtes toujours sur Bulle de Rêve, toujours un peu, on parle comme là, c'était super court. Ce que vous avez entendu en début, je vais vous traduire pour ceux qui ne parlent pas russe. J'aime bien, je fais semblant de parler russe alors que. Le deuxième morceau était d'un monsieur qui s'appelle Hikaru Ayachi. Et c'est tiré du film La Pendaison. Olivier me faisait remarquer en effet, c'était La Pendaison. J'avais le titre en anglais, Death by Hanging, je ne me rappelais plus. Koshike, je crois, en japonais. Et donc encore un film de Nagisa Oshima de 1968, et le deuxième était donc de Nordstein, j'arriverai pas, hein, je crois que j'ai prononcé toute ma vie Nordstein, à propos de son film. Alors pareil, je crois à chaque fois sur le titre du film. Non, le héron et la cigogne, c'est bien ça. Donc, je vais vous dire ce qu'il disait. L'environnement, l'espace, c'était le plus compliqué. C'est peut-être l'élément le plus difficile. Trouver la façon dont l'espace et les personnages fusionnent. Je ne sais pas si vous connaissez l'art japonais, mais ils peuvent avoir juste un fond blanc comme espace et une branche, et c'est tout. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Un Européen ne ferait jamais ça. Il est obligé de remplir toute la rue, il est plus pragmatique. J'étais submergé par ces pensées. Finalement, je suis tombé sur une image dans un livre, un de mes livres favoris, La civilisation grecque. Je feuilletais le livre tout en pensant à mon travail. Et soudain, j'ai vu une image d'un oiseau. Ça aurait même pu être un héron. Parmi les pierres au milieu des ruines. Et ça, c'est une image qu'on voit à un moment donné, en effet, dans ce film. Je continue ce que dit Nordstein. C'était la même chose pour la pluie, une observation attentive d'estampe japonaise m'a fait réfléchir. Comment représente-t-il la pluie ? Simplement, comme les enfants. Et là, on le voit pas parce que c'est tiré d'un documentaire, mais il mime des traits juste en l'air, dans l'air, comme ça. Et il dit, j'ai fait la même chose sur les celluloïdes que j'ai animé dans Le Héron et la Grue. Zoukowski, donc, et son caméraman avec qui il a travaillé des années, mettait alors en valeur la pluie. Quand il accentuait la luminosité exagérément, la pluie commençait à briller, ça donnait une pluie ensoleillée. Tandis que notre pluie ressortait crépusculaire au contraire, mais le principe est le même. On va commencer par Sophie, tu te rappelles quand est-ce que t'as eu ta première rencontre avec un film de Yuri Nordstein, la première fois que t'as vu un film de Yuri Nordstein? Bah, c'était lors de l'exposition, je vois que t'as le catalogue, Claire d'ailleurs, qui avait eu lieu en 2000 à Paris. En fait, c'est un ami qui était étudiant aux Arts Déco qui m'avait emmené là-bas et j'ai tout découvert d'un coup, quoi. Tout était là, il y avait tous les petits personnages découpés, il y avait tous les films projetés, et là je suis restée une bonne journée entière dans l'expo à regarder les films en boucle, etc. Et j'avais jamais vu cette technique-là. Je connaissais pas du tout, à part enfin l'animation de marionnettes qui m'intéressait déjà, mais tout ce qui était papier découpé, je connaissais vraiment rien du tout. Et voilà, ouais, là franchement oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup impressionné. Et puis c'était super chouette parce que les petits personnages étaient présentés de manière verticale, en fait, dans des espèces de vitrines en verre comme ça, parce qu'en fait c'est horizontal, enfin c'est filmé de manière horizontale, et là c'était en vertical, avec, ils avaient fait traverser des lumières, etc. C'était vraiment magnifique. Voilà. Claire, toi, tu te souviens de la première fois où tu as vu le travail de Nordstein, un film? Alors, je m'en souviens, et en même temps, je m'en souviens pas très bien parce que j'étais très petite. J'ai eu la chance de voir ça. Je devais avoir peut-être 8 ou 10 ans, je sais pas exactement. Donc, mes parents avaient enregistré ça à la télévision. Ça peut paraître incroyable, mais ça passait à la télévision. Donc, c'est vraiment des films, surtout Le Hérisson dans le brouillard quand j'étais petite, qui m'ont accompagné, enfin quand j'étais enfant, c'était un de mes films cultes, donc ça peut paraître un peu bizarre. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'animation, parce que je connaissais en gros Yuri Nordstein et Miyazaki quand j'avais 17-18 ans, donc c'est un peu différent. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte que c'était un monument, mais pas très connu quand même. Donc voilà, je sais que quand j'étais petite, ça me fascinait, en fait, ces films qui ressemblaient à aucun autre dessin animé que je regardais. Et puis après, en grandissant, en commençant un peu plus à réfléchir au film, je me suis plus attardée sur Le Conte des Contes, que je trouvais vraiment vraiment très très fort, même si, pareil, je comprenais pas vraiment tout à ce film. Et c'est vrai que c'est des films où je sais pas combien de fois je les ai vus, mais c'est un peu, pour refaire le parallèle du début, comme les films de Tarkovsky, je pense qu'on peut les regarder 50 fois, 100 fois, et c'est toujours le même, le même émerveillement, la même poésie, et il y a à peu près aucun autre réalisateur avec qui j'ai cette. Tu as la même, le rapport. Cette sensation-là, quoi. Florentine ? Oui, alors, bah, moi, je les ai découverts tardivement. En fait, je les ai découverts en DMA, enfin, pendant mes études, sur une télé en cours de cinématographie. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins de rapports ou de choses avec. Parce que les découvrir sur une télé, c'est. En tout cas, Le Comte des Contes, je me souviens que c'était difficile de le découvrir sur une télé parce qu'il est assez long. Il est, oui, dans une demi-heure. Parce que. Et je me souviens que j'ai eu. Alors, je me suis pas endormie, mais je me souviens avoir lutté au milieu, vers au bout de la 20e minute, à me dire. Il y a quelque chose dans ce film, c'est super intéressant, mais je le voir dans une classe, dans une salle de classe, sur une petite télé, c'était pas, enfin sur une télé, bon, pas si petite que ça, mais c'était pas forcément idéal. Et je les ai découverts comme ça. Et c'est vrai qu'au moins on m'a dit, enfin c'est Yuri Norstein, c'est un grand réalisateur, c'est Le Comte des Contes, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on me l'a un peu imposé avant même de le voir. J'avais des choses préconçues un peu dessus, et Le Comte des Contes, je l'ai jamais vu en salle. Par contre, Le Hérisson, pas mal de fois, c'est vrai qu'il passe souvent, mais c'est vrai que j'ai pas eu la découverte, ou j'ai pas eu donc même si j'apprécie beaucoup ces films, c'est vrai que c'est pas mes films préférés en animation, ou j'ai pas de lien forcément avec. On va en reparler de ce lien justement, même par rapport à l'école et cette obligation un peu de Norstein. Olivier. C'est l'heure de la sortie en salle, donc des films de Norstein, le programme Le Comte des Contes, lequel il y avait Le Comte des Contes, Le Hérisson dans le brouillard et la cigogne. Ah, c'est ça. Et c'est au milieu des années 80, quelque chose comme ça, je devais être étudiant, au même moment que j'ai découvert d'ailleurs l'ensemble des films de Tarkovsky. voilà. Et après, il s'est passé un certain temps, parce que je n'étais pas du tout vraiment dans l'animation, avant que je redécouvre ces films-là. Et alors, ça t'a. J'ai des revues sur une table de montage chez Archéon Film. Quand tu les as revues sur cette table de montage, en effet, où tu. Donc c'est un peu différent, parce que là on voit d'un seul coup presque image par image. Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail. Est-ce que quand tu les avais vues la première fois, ça t'a marqué la première fois et donc la deuxième fois, ou non, c'est cette deuxième fois qui t'a plus marqué ? C'était que c'est quand où tu as eu le. Non, c'est la première fois. Choc. En fait, ça a été un vrai choc pour moi, parce que j'y suis allé un peu par hasard, je sais plus très bien pourquoi, je m'intéressais pas particulièrement à l'animation, je m'intéressais beaucoup au cinéma. Au cinéma russe. Voilà. Notamment au cinéma russe. Et j'étais allé voir alors c'était une salle très particulière, c'est devenu l'Arlequin, mais à l'époque, c'était le Cosmos, qui passait que des films soviétiques. Et donc, j'étais allé voir ce programme-là, et ça m'a vraiment fait un choc, parce que je pensais pas du tout que l'animation pouvait ressembler à ça. Et ça m'a fait beaucoup d'écho parce que donc à l'époque j'étais étudiant en ethnologie et je me suis dit mais c'est fou, il y a une densité, il y avait l'aspect artistique évidemment qui était très fort, mais il y avait aussi une densité culturelle dedans, une espèce de, j'avais l'impression d'avoir assisté à un condensé de culture comme ça, et ça m'interpellait vraiment très très très fort quoi. Est-ce qu'on ressent ce condensé de culture quand on n'a pas forcément, je sais pas moi, l'appréciation de la culture russe? On parlera juste à Claire un petit peu après, parce qu'elle a fait les deux par rapport à Tarkovsky. Sophie, toi, tu aimais déjà la culture russe avant, parce que tu nous as parlé pas mal de techniques quand oui, tu l'as découvert. C'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais à ce moment-là, je faisais un mémoire sur le. Bon, ça, c'est quand même assez éloigné du cinéma de Norstein, mais je faisais un mémoire sur le cinéma soviétique en fait, en histoire de l'art. Quand même. Ah oui. Bon, après, c'était sur les comédies soviétiques des années 20, hein, donc voilà, c'est très particulier. C'est particulier. Bon, des films de Boris Barnett, tout ça, je sais pas si vous connaissez, mais enfin voilà. Et du coup, oui, enfin, et puis même tout ce qui est des pays de l'Est, notamment d'influence russe, c'est vrai que j'ai quand même toujours eu un peu un goût pour notamment la littérature russe, tout ça. Enfin, un de mes auteurs vraiment favoris, c'est Dostoïevski. Enfin, il y avait quand même, voilà, peut-être aussi. Un terreau qui permettait. Peut-être aussi ça, ouais. Et puis, par contre, c'est vrai que contrairement à Florentine, moi, j'avais jamais entendu parler de Norstein. Et vraiment, j'ai découvert ce truc. Et puis, je pense que vraiment, de voir en plus les petits pantins découpés, c'était très fort, quoi. D'avoir en plus la matière qui était présente à l'exposition, c'était je pense que oui, du coup c'était assez fascinant. C'est vrai que moi j'avais vu beaucoup de courts-métrages d'animation en fait avant, comme je disais, j'avais vu Gary Bardine ou d'autres choses qui m'avaient marqué, et donc j'ai peut-être aussi moins surprise parce que je connaissais déjà aussi je savais que l'animation pouvait prendre différentes formes, ou je reconnaissais des qualités, mais pour moi c'était pas si exceptionnel que ça. Enfin, comme on me l'avait vendu, vous voyez, moins un caractère exceptionnel, parce que j'avais vu beaucoup de choses avant. Et alors moi, par contre, la culture russe, bon, je m'y intéressais pas forcément, et j'ai pas, enfin, les films, pour moi, qu'il y ait culture russe ou pas dedans, il me parlait où il y avait un côté poétique ou quelque chose qui appelait à l'universel. Et moi, j'ai pas forcément ressenti que c'était particulièrement russe dans l'âme ou voilà. Alors, on va reparler un tout petit peu après du lien russe hein, et de l'âme. Etc. Cela, etc. Mais on va en parler un tout petit peu après. C'est la voix qui m'a marqué. Voilà, alors justement, on va en parler un tout petit peu après par rapport à Tarkovski. Je veux qu'on en parle ensemble. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises d'abord, et après Ariel veut dire quelque chose. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises, toi Claire, en effet, est-ce que quand tu t'es de nouveau intéressé à Nordstein. Olivier me regarde en disant il va dire Nordstein, que j'ai appelé Yuri. Quand tu t'es intéressé à Yuri, oui, voilà. Ça sera plus facile. Est-ce que c'était sous cet angle russe, justement, soviétique et puis russe, ou est-ce que c'était purement par rapport à l'animation et que la rencontre avec Tarkovski, on sait, Nordstein parle de Tarkovski, hein, oui. Et ils ont une vision des choses assez similaire. Similaire, enfin, merci, voilà. Non, moi, pas du tout, c'est complètement à l'envers. Enfin, en fait, donc j'avais vu les films de Nordstein quand j'étais petite, plein de fois et tout ça. Puis bon, après, collège, lycée, peut-être je suis passée à autre chose. Et en fait, quand je me suis de nouveau intéressée à l'animation, mais alors pas du tout, donc par les mêmes chemins, mais ben, c'était à la sortie de Princesse Mononoke, qui a été vraiment, quand j'étais ado, le long métrage où je me suis dit, waouh, ouais, l'animation, c'est génial. Bon, voilà, je connaissais pas tout le reste. Et là, je me suis mise à acheter Animeland, magazine qui avant était, enfin voilà, un magazine que tout le monde connaît, qui était très très intéressant. Et un beau jour, dans un Animeland, je tombe sur un dossier de 2-3 pages sur Yuri Nordstein. D'ailleurs, c'était peut-être à l'occasion de cette fameuse exposition dont parlait Sophie. D'ailleurs, je vais préciser que c'était du 16 mars au 15 juillet 2001 à l'Hôtel de Ville de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux surtout préciser, parce qu'on va en reparler, c'était pas que sur Yuri Nordstein. Exactement, hein, j'allais dire, tu as deviné mes pensées. Parce qu'on oublie souvent d'en parler, c'est que Yuri Nordstein ne ferait pas grand-chose, à mon avis, sans sa femme, Francesca Yarbousova, qui, en fait, si je ne dis pas de bêtises et si je me souviens bien, fait vraiment tous les dessins, les petits pantins. C'est vraiment elle qui crée toutes les petites marionnettes et même peut-être les décors, je crois. Ça, je ne suis pas sûre. Je sais que c'est elle qui crée. Et en tout cas, donc Yuri Nordstein anime les petits personnages créés par Francesca. Et il y avait aussi un lien très fort avec leur chef opérateur, dont j'ai oublié le nom, d'autant plus honteux qu'il est décédé, je ne sais pas quand. Ils en parlent dans le livre, justement. Et c'est normalement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était. Oui. Parce qu'il a. Quand il est traduit, justement, il explique bien que par rapport à la c'était à la fin du texte. Voilà, Zukovski. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que les mouvements de caméra, c'est aussi quelque chose qui est très particulier dans les films de Nordstein. Voilà, bref. Donc, cette exposition a été l'occasion pour Animeland de faire un petit article sur Yuri Nordstein. Et là, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit « Ah, mais je me souviens, j'ai vu ces films plein de fois. » Et là, j'ai cherché dans toutes les vieilles VHS de chez moi et j'ai retrouvé ça. Et là, c'était un peu la redécouverte parce que je me souvenais de toutes ces images, mais un peu en désordre. Et même, Olivier, quand tu as parlé du fait que c'était un programme qui s'appelait « Le Compte des Contes » avec les trois films, donc c'est exactement ce programme qu'ils avaient passé sur Arte et qu'on avait enregistré. Effectivement, dans mon souvenir, pour moi, c'était un seul film long avec plein de petites séquences. Je me rappelais plus trop comment ça s'organisait, même à l'intérieur du Compte des Contes, comme il y a plusieurs styles graphiques et tout ça. Je pourrais en reparler plus tard si on a le temps. Ouais, et dans mon esprit, c'était complètement désorganisé. Je me rappelais juste de plein d'images comme ça en vrac. Et donc, quand j'ai revu les films, je m'intéressais pas du tout à la culture russe. C'est vraiment beaucoup plus tard, en fait, que j'ai découvert un peu le cinéma russe, Tarkovski et d'autres. Donc c'était d'abord comme ça. Et en fait, la première fois que j'ai vu Le Miroir de Tarkovski, ce qui était vraiment beaucoup plus tard, juste avant la fac, en fait, c'est un peu l'inverse de beaucoup de gens. C'est-à-dire, souvent dans des critiques sur Le Compte des Contes, dans des revues sur le cinéma prise de vue réelle, on va dire, très souvent, les critiques disent un peu des petites phrases du genre « c'est un Tarkovski en animation » ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, c'était l'inverse, parce que quand j'ai vu Le Miroir, je me suis dit, mais c'est fou, c'est on dirait Le Compte des Contes, mais en film, et parce qu'il y a vraiment plein de symboles, enfin que ça soit la forme du film ou je sais pas l'ambiance, justement ce qu'on peut appeler l'âme russe, ce qui est un truc assez assez vague, mais justement j'étais d'accord avec Florentine quand elle disait qu'il y avait quelque chose un peu d'universel, c'est-à-dire que même s'il y a une culture très spécifique de par leur histoire et tout ça, c'est quelque chose, je sais pas qui touche, enfin, c'est difficile à expliquer. Ah oui, parce que l'universel, c'est un problème avec l'universalité, donc on va en parler. Mais allez. Bon, voilà, c'est en tout cas des sensations qui peuvent nous parler, même si on ne connaît pas la Alors, culture. Alors, sensation est plus intéressant, en effet, je pense qu'on va en arriver voilà. là très rapidement sur le cinéma de Nordstein. Ariel, tu voulais... Oui, c'est juste une petite parenthèse dans l'émission. Ouais, actuellement, il y a Sylvie qui se trouve au squat à Saint-Denis. C'est un nouveau truc qui a été créé. Ça fait 3 jours que le squat est créé. C'est 25 rue des Cornillons. On avait fait une erreur dans le numéro qu'on a annoncé précédemment. C'est pas le 4, mais le 25. Les flics sont déjà en place. Ils savent pas s'ils vont attaquer ou quoi. Ils ont essayé de rentrer un petit peu en force il y a une demi-heure auparavant. Et avec des gens du service social pour voir un peu, ils ont fait bloc pour empêcher. Donc il faudra qu'il y ait aussi un maximum de gens qui viennent pour soutenir les squatteurs. Voilà. Et les filles qui ne savent pas encore s'ils vont attaquer ou pas. Et elle m'a demandé de faire cette petite annonce. Voilà. Okay. C'est juste. C'est de l'animation, mais tout à fait différente. Oui, malheureusement, une animation beaucoup moins. Moins réjouissante. Beaucoup moins poétique, ouais, malheureusement. Bah écoute. Désolé. Non, au contraire, tu as bien fait de... Okay. Merci. Faut pas hésiter. Merci. En effet, difficile de repasser un archer après ça, mais t'as raison de le dire, c'est important. Et donc on va revenir sur d'autres choses. Et j'ai une idée au départ de qu'est-ce qui vous plaît, mais ce qui m'intéresserait peut-être Olivier, c'est de voir quand on remarque. Moi, ce qui m'a marqué quand on m'a dit Nordstein vient, et comme je disais, quand Schwenkmeyer était venu, pour moi, c'est peut-être parce que c'est vrai que j'ai une grande attirance pour Schwenkmeyer, mais c'est une évidence d'autres. J'ai fait un calcul aujourd'hui, alors c'est terrible, parce qu'en effet, réduire un artiste à une addition est quelque chose de terrible, mais en gros, si on considère qu'il a réalisé, si on prend ses films qu'il a co-réalisés, hein, donc le premier, donc 68, si on va jusqu'au Compte des Comptes, qui est 79, je reste sur les courts-métrages, on a à peine plus de 10 ans De carrière, merci. Mmh. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 films qui font à peu près 80 minutes. Et depuis, on a 4 pubs réalisées pour le sucre en 94-95, une séquence d'ouverture pour l'émission Bonne Nuit les Enfants qui fait 2 minutes en 2000, et un peu plus connu son segment pour Jour d'hiver qu'il a fait en 2003 qui dure 1 minute 37. Comment se fait-il que cet homme, avec une carrière comme ça, j'ai regardé Frédéric Bach, c'est 20 ans par exemple, il y a 80 minutes, Frédéric Bach c'est 129. Encore une fois, ça peut vous paraître un peu terrible de juste d'aligner des chiffres, c'est juste que je suis épaté de voir que quelqu'un qui a bossé voilà, pendant en gros 10 ans, qui a fait 6 films, soit aujourd'hui un tel maître, quasiment comme le dit Florentine Incontesté, on le présente à l'école en disant « Attention, là vous allez voir Uri Nordstein, vous allez voir L'Horizon dans l'horreur, Le Compte des Comptes, et après... » Ça n'a rien à voir. Après, vous changerez de vie. Comment est-ce possible, à ton avis, toi non. Oui, et même on pourrait presque réduire les choses, parce que finalement, il y a 3 films vraiment qui comptent dans la carrière d'Uri Nordstein. En tout cas, 3 films sont considérés vraiment comme des chefs-d'œuvre très personnels. Les autres le sont moins. Alors, Le Manteau, c'est un demi-film. Enfin, c'est un bout de film. On n'a pas parlé pour l'instant. Pas vraiment, voilà. Mais bon. Ouais. Donc, c'est 9 qui est ricky. Quoi, c'est vraiment, c'est ridicule quelque part. On se demande comment c'est possible qu'un réalisateur avec une si petite œuvre ait un impact aussi grand. Moi, je pense qu'il a. Il fait partie de ces gens qui ont changé le cours de l'animation, au moins sur 2 plans différents. Je pense dans la façon de faire les films, et notamment Le Compte des Comptes, était quelque chose de vraiment nouveau. Et je pense qu'après Le Compte des Comptes, on a pu faire des films pareils en animation. Pourquoi? Pense que c'est la façon d'évoquer les choses, puisque c'est un film d'évocation, c'est pas vraiment une histoire, Le Compte des Comptes. La liberté qu'il a eue dans son langage cinématographique, c'est quelque chose qu'on avait... pas vraiment vu en animation. Alors bien sûr, il y avait des choses qui relevaient du cinéma abstrait, expérimental, tout ce qu'on veut. Mais ce type de narration, elle est propre au cinéma du réel à ce moment-là. Et je pense pas qu'elle existe vraiment en animation. Alors faudrait revenir peut-être vérifier. Hein. Mais moi, j'ai le sentiment que là-dessus, il a vraiment changé la donne. Et c'est une porte ouverte dans laquelle se sont engouffrés un certain nombre de cinéastes. En même temps, c'est difficile de savoir parce que ce genre de choses, en général, c'est des allers-retours. Ça se trouve, Nordstein lui-même répond à une certaine, à certains mouvements dans l'animation à l'époque. Mais en tous les cas, c'est au moment des années 70 que les choses ont changé, j'ai l'impression, moi. Alors, on va laisser, parce que il y a quelqu'un qui fait plein de gestes, non, oui. C'est parce que regardez, juste avant ta deuxième, pour cette première idée, pour toi, toi qui t'es plongé dans le compte des comptes, dans ce travail-là, pour toi, il y a un avant et un... Alors, je me suis jamais vraiment posé cette question du pourquoi, parce que c'est vrai que j'ai pas trop abordé le compte des comptes en le mettant en relation avec le histoire. Monde de l'animation avant-après. Par contre, c'est vrai que, comme disait Olivier, la structure du film, le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire, c'est vraiment toute une imbrication d'évocations, de souvenirs, d'images, avec un côté... D'un côté, il y a beaucoup de références picturales, poétiques dans le film, et d'un côté, il y a quelque chose d'assez libre, on peut interpréter un peu plein de choses. Et je pense que cette chose-là, c'est ça, pour moi, c'est quand même effectivement, de tous les films d'animation antérieurs que j'ai pu voir, j'ai jamais vu non plus quelque chose comme ça. Donc, est-ce que cette idée de cinéma poésie, qui est un peu facile, hein, qui est un terme un peu facile, mais en tout cas, mais quand même, où il y a une narration, où il y a des personnages qu'on suit, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, on n'est pas dans une abstraction, on n'est pas dans un cinéma abstrait, hein, on est dans quelque chose qu'on peut suivre, quelque part, comme on veut, mais en tout cas qu'on peut suivre. Donc ça, de là à dire, est-ce que c'est la première fois, sûrement pas, mais en tout cas, c'est la fois qui a été la plus marquante pour un public plus large, pour les gens de l'animation, pour peut-être parce que le film a été plus distribué, comment ça s'est passé? Oui, alors je vais même aller un petit peu plus loin que ce que je disais. Je pense que Norstein a un génie qui est tout à fait particulier, qui est le même que celui de Tarkovsky d'ailleurs. C'est des gens qui manifestement ressentent très fort des choses sur leur environnement, les gens qu'ils peuvent croiser, etc., les sensations qu'ils peuvent avoir d'oppression, de joie, etc. Mais ça, il y a plein de gens qui ont une sensibilité très très développée et qui peuvent le ressentir très fort. En revanche, il y en a extrêmement peu qui sont capables de le transmettre à d'autres à travers leur art. Et eux, ils ont cette capacité-là de façon extraordinaire. C'est-à-dire que alors je ne sais pas comment ils le ressentent eux, mais la façon dont ils arrivent à le transmettre aux autres, par des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Alors il y a des choses qui effectivement sont éminemment culturelles, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus liées à leur personnalité, etc. On arrive à le recevoir, nous. Pourquoi ? Parce qu'ils retransmettent des choses qui sont de l'ordre de la sensation et non pas par le symbolisme, pas par la métaphore. On est dans autre chose. On est dans le ressenti qu'on retransmet. Voilà. C'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Et avant de répondre à ta question, il y a l'autre aspect aussi, c'est un aspect purement technique. Je pense que Norstein, avec Francesca Yabusova, ont été très très loin dans la liberté formelle. Dans la façon de faire des films. Alors là aussi, c'est lié à tout un contexte des années 70 dans l'histoire de l'animation. On est bien d'accord. Mais moi j'ai le sentiment, quand je vois un film de Norstein, qu'il a imaginé des choses, il s'est créé des images dans la tête, il s'est dit comment je vais réussir à les remettre sur l'écran. Donc ils ont bricolé tous les deux, ils ont inventé des outils qui leur permettaient de mettre ces images-là dans un écran. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, aujourd'hui, ce sont des techniques effectivement qu'on utilise moins, mais il a vraiment créé, il a développé des techniques qui ont permis de créer cet univers, donc au service justement de ce que j'évoquais avant. Voilà. Et après, sur l'écho, effectivement, c'est difficile de savoir. L'écho de Yuri Norstein par rapport à Miyazaki, c'est peanuts, hein, parce que c'est des courts-métrages. Effectivement, il y a un programme qui est sorti en salle à Paris il y a quelque temps. Sinon, c'est le festival et personne ne connaît Norstein. Personne ne connaît Norstein. Je confirme Moi, j'ai un souvenir d'une rencontre entre la commission cinéma qui aide les courts-métrages à la ville de Paris et une réalisatrice qui défendait son film. Et les gens qui sont des gens du cinéma, des personnalités du cinéma de Vurel, lui ont demandé qu'est-ce qu'elle aimait dans l'animation et tout ça. Et elle a cité Yuri Norstein et j'ai vu se regarder, personne ne connaissait Norstein. Compris des gens qui connaissent très bien le cinéma, comme vous avez Giordano, tu vois. Voilà. D'accord. Alors que Miyazaki, tout le monde connaît, Michel Oslo aussi. Donc, il faut aussi relativiser ça. Dans le monde de l'animation, c'est une personnalité mythique, considérée comme géniale, mais c'est un total inconnu dans le monde du cinéma, enfin, ou presque, à part de... Ça relativise. Voilà. On est en effet le... Jean-Claire, tu voulais réagir? Justement, j'avais une ou deux anecdotes, surtout une, c'est que donc à l'université, donc en recherche en cinéma, donc où j'ai fait mon mémoire, c'est vrai que dans tous mes enseignants, bon, ils n'étaient pas très nombreux, mais notamment ma directrice de mémoire, qui pourtant avait fait de nombreuses années de recherche sur Tarkovsky, c'était un de ses domaines de spécialité, connaissait vaguement le nom de Nordstein, ça lui disait vaguement quelque chose, mais elle n'avait jamais vu les films. Et quand je lui ai montré Le Comte des Contes, elle m'a dit c'est incroyable. Enfin, elle connaissait pas du tout et elle était, enfin, en le voyant, elle a trouvé ça superbe et même elle était étonnée de pas connaître et elle m'a dit vous avez raison. Et c'est vrai que j'ai eu un peu une sorte de, je me suis donné une sorte de mission de faire connaître au moins à mes profs et aux personnes de ma promo qui n'étaient pas nombreux. C'était un peu je me sentais un peu investie d'une mission comme ça sur donner un peu plus de place à Yuri Nordstein au milieu, enfin, de le mettre égal à égal justement avec le cinéma du réel, d'où l'espèce de parallèle entre guillemets que j'ai fait avec Tarkovski. C'était pas rien quand même. C'était pas rien, mais justement, je voulais dépasser un peu l'image un peu floue que les gens ont de Tarkovski en animation. Donc c'est intéressant, Nordstein est un semi-dieu vivant, uniquement en animation, et en fait... Il est dans les dictionnaires de cinéma, on est d'accord, mais bon... Est connu un petit peu... est-ce que... Non, mais ça, on va bien voir justement si ça va... parce que Jean Meyer, lui, a réussi à être au-delà, finalement, de ce côté uniquement animation. On l'a vu quand il est venu au Forum des Images, il y a maintenant un an et demi, où justement, beaucoup de gens en parlaient, Libé en a parlé, Le Monde, et des gens qui ne parlaient pas, qui parlent quand même très peu d'animation, et pas les spécialistes d'animation même travaillant dans ces magazines-là. On était vraiment, donc il va un petit peu plus loin que ça. On va voir si Nordstein réussit, réussit ou non. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose d'important chez Nordstein qui est la difficulté finalement du début de son travail, l'un de ses premiers films qui est donc Le 25e jour. Et il le dit lui-même dans ce documentaire, donc tout est tiré. Hein, 25 octobre, premier jour. Merci. Mais c'est parce que vous m'avez trouvé avec Nordstein tout à l'heure. Vous auriez bien fait de me laisser dire Nordstein. Et puis voilà. Donc il se situe dans Magia Russica, qui est un documentaire qui est édité en DVD en France. Se trouver sur des très beaux documentaires, voilà, des choses intéressantes dedans, pas tout, mais des choses intéressantes dedans. Je serais d'ailleurs un peu plus critique que vous, mais en tout cas voilà. Et à un moment donné, donc Nordstein dit ne jamais faire de concessions quand cela va contre ma conscience. C'est-à-dire qu'il a fait ce premier film et aujourd'hui, donc le film passe avec un long texte de l'auteur disant voilà, c'était une certaine époque, on parlait de certaines choses, on savait pas trop, etc. Enfin voilà, et ce que m'a appris ce film, c'est finalement par la suite, de ne plus faire aucune concession. Est-ce que si Nordstein réussit à faire aucune concession, parce que finalement, et si on prenait Tarkovski par rapport à quelqu'un comme Parajanov, est-ce que Tarkovski est peut-être moins politique que Parajanov et donc il s'en sort plus facilement? Est-ce que Nordstein finalement s'en sort? Parce que si c'est quelqu'un qui officiellement, on peut voir plein de choses dans Le Comte des Contes, n'est pas trop politique dans ses films de manière évidente. Claire? Vas-y. Alors justement, il y a une anecdote très marrante, je crois que c'est dans justement le livre en anglais de Claire Kitson, Yuri Nordstein and Tale of Tales, An Animator's Journey, je ne sais pas s'il est bien prononcé, où c'est un peu flou, donc je vais paraphraser en gros, mais il expliquait, parce qu'à l'époque, il y avait tout ce système du Goskino, je crois, l'organisme d'État du cinéma, qui était une sorte d'organisme de censure, qui notamment sont ceux qui ont un peu harcelé Tarkovski à peu près pendant toute sa carrière. Et il y avait ce truc, il raconte en fait que quand il a montré le scénario du Comte des Contes pour le faire approuver, ils n'avaient pas vraiment compris de quoi ça parlait, donc il trouvait ça un peu louche, il se disait que c'était certainement contestataire si on comprenait pas. Et il a eu des petits soucis au début en fait pour lancer le film, parce qu'il y avait cette chose de qu'est-ce que c'est que ce film où on comprend pas vraiment de quoi ça parle, ça cache sûrement quelque chose. Il y avait un peu cette pensée là quand même. Attention, hein, quand je dis ça, je dis pas, c'était pas pour dire oh lui il a pas eu de problème, c'est juste qu'entre quelqu'un comme par exemple qui a passé lui des années en prison par exemple, c'était ça, c'était juste que il y avait une des attaques directes et il y en avait d'autres qui étaient moins directes. Et Jean Meyer a passé, par exemple, n'a pas pu travailler pendant 17 ans, des choses comme ça. Je pense pas que Nordstein y ait eu ce problème-là. Non, Nordstein s'en est bien sorti, mais justement, alors moi je connais pas trop l'histoire, mais c'était quand même dans une époque où ils étaient dans ce studio, ces studios d'animation dont j'ai oublié le nom. C'est sur Mosfilm. Finalement, à l'intérieur d'un contexte politique un peu qui bridait pas mal les réalisateurs et tout ça, eux, ils étaient finalement assez libres et Je sais pas exactement Olivier, pourquoi. Il y a toujours eu plus de liberté pour les créateurs de films d'animation que pour les créateurs de vues réelles. Et parfois, c'est allé assez loin, parce que si vous voyez les films polonais ou hongrois des années 60-70, il y a quand même des choses qui sont quand même, d'un point de vue social et politique, qui vont quand même assez loin, plus qu'en Russie d'ailleurs. Tu sais ce qu'on va faire, Ariane ? On va passer le... Et après, je vais demander à Olivier si on peut juste remettre dans le contexte légèrement, aussi bien en parlant de Kitru qu'en parlant des maîtres, peut-être, enfin, des gens qui sont venus avant, Nordstein et cette nouvelle génération, le studio Char, et peut-être avoir une vision un peu plus historique. Donc voilà, est-ce qu'on peut mettre, en fait... hop, je regarde mon petit papier, évidemment, tout a changé. Normalement, tu as les deux prochains morceaux qui doivent faire une 30 et 50 secondes, un truc comme ça. Je te remercie. Non, le 7, il fait 2,35. Ouais, 2,35, et ensuite. Et le 8, 20 secondes. Ouais, c'est ça. Donc les deux, voilà. C'est bien ces deux-là. Je t'en remercie. À tout de suite. Merci. Делается судьбой. Не руками, не головой, судьбой. А судьба не каждому дается. Toujours Bulle de Rêve, toujours bien sûr Radio Libertaire, toujours 89.4. Allez, 0143 71 89 40. Wow. Donc toujours cette émission spéciale sur Yuri Nordstein, voir qu'est-ce qui se cache derrière le génie ou en tout cas l'image un petit peu du réalisateur. Vous l'avez entendu juste à l'instant, il vient de dire: un film est fait par le destin, pas par les mains ou la tête, mais par le destin, et le destin ne sourit pas à tout le monde. C'est en fait une petite phrase qu'on aurait dû en fait entendre vraiment juste à la fin, au moment où on allait commencer à parler du manteau, mais c'est pas grave, on reviendra par rapport à cette histoire du manteau. Vous avez juste entendu à l'instant Tolu Takemitsu pour un autre film, donc un des films d'Oshima pour aujourd'hui, La Cérémonie, film de 71, et Tolu Takemitsu, c'est là des grands grands compositeurs de cette époque-là, notamment au Japon. Olivier, j'ai laissé réfléchir 2-3 minutes, donc même si je sais que tu sais tout ça, Nordstein, il vient quand, à quel moment, quelle est déjà l'animation. Alors, c'est en 5 minutes, donc évidemment, on peut pas, ça va être très rapide. L'animation soviétique à l'époque, puisqu'on est encore en Union soviétique, et comment ça se passe. Et lui, il arrive à quel moment, et en effet, cette nouvelle génération qui bouscule un peu tout avec notamment quelqu'un comme Kit Rook, comment ça se passe? Alors, l'animation soviétique, en fait, elle s'est vraiment développée à partir des années 50-60. Hein. Avant, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a du cinéma de propagande, il y a les jeux soviétiques de Dziga Vertov, des choses comme ça, mais c'est plus des trucs par un coup. Une production de masse et de qualité vient vraiment dans les années 50-60, avec d'abord un premier personnage très important qui s'appelle Ivan Ivanov-Vano, qui co-réalise la bataille de Kerjenets avec Norstein. Il y a un vrai lien entre deux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait mis des films d'Ivanov-Vano dans sa carte blanche, là, en forme des images. Et puis, après, Norstein arrive avec une génération qui est effectivement celle de Fedor Kritruk, d'Edward Nazarov, d'Andrei Krijanovski et de Gary Bardin. Finalement, ces gens-là sont assez proches en âge. Norstein passant peut-être un peu tard finalement à la réalisation, à toute fin des années 60, donc ça, et encore sur des œuvres pas forcément très personnelles. Donc finalement il arrive un peu après les autres, et Kit Rook a déjà une carrière, Krijanovski aussi, Bardin est arrivé un petit peu tard aussi, mais bon, voilà. Donc, et il va prendre une place particulièrement importante, et ces réalisateurs-là vont sortir un petit peu le studio, donc Soyuz Multfilms, qui est le studio russe d'État de production de films d'animation, d'une production uniquement tournée vers le monde des enfants, parce qu'à l'origine, c'est bizarre, parce qu'ils sont passés de films de propagande d'animation dans les années 40 à une production de films pour enfants, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe de l'Est où on a des choses pour adultes, surtout en Pologne et en Hongrie, un petit peu en République tchèque, en Bulgarie aussi, enfin voilà. Et c'est eux qui vont un peu changer la donne et qui vont ouvrir les portes à d'autres réalisateurs sur à la fois des techniques diverses et des propos divers, des films pour adultes, etc. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un comme Kit Rook est un peu l'un des éléments pivots avec des films comme Film Oui, il a été un peu le premier à faire des films un peu politiques des années 60, qui cherchent un petit peu tout à fait, c'est un peu c'est lui le vrai précurseur de ce nouveau cinéma d'animation russe. Est-ce que ce qui rejoint peut-être quelqu'un comme Tarkovsky, tu vas déjà nous donner ton avis, puis après Claire qui est la spécialiste, elle en a écrit des pages dessus. Si, elle a fait un très passionnant mémoire sur le rapprochement entre le miroir et des contes, c'est vraiment très intéressant. Je vous ai pas dit, et je suis désolé, mais évidemment sur The Web Anime aujourd'hui, j'ai annoncé l'émission, et en effet vous pouvez télécharger pour lire le mémoire de Claire, donc voilà. N'hésitez pas surtout, c'est facile, c'est en PDF. Moi, j'ai commencé à le lire. Donc, en effet, des choses très, très intéressantes dans ce que j'ai commencé à lire. Est-ce qu'il y a de ça? C'est-à-dire que cette idée de, j'ai pas le temps, j'avais plein de choses de Nordenstein qui racontent, en effet, la difficulté vient de ce que nous pouvons pas tout de suite déterminer pour l'ensemble du film, et en particulier l'image. C'est sans doute pourquoi le film commence vraiment à se développer dans le travail de réalisation pendant les prises de vue. On sent quelqu'un qui réfléchit aussi sur son médium cinéma, un peu à la manière d'un Tarkovsky, justement. Est-ce que ça, c'est des choses qui les relient, toi, Claire, qui t'ont paru évidentes, ou dans leur manière de filmer, dans ce que t'as peut-être lu dans les interviews, dans ce genre de choses? Dans la manière de filmer, dans l'air de questionner, pas, mais en dans tout la cas. Manière de, ben alors il y a quelque chose. Bon, je vais vraiment résumer très vite ou même pas expliquer, mais juste Tarkovsky dans son espèce d'essai autobiographique qui s'appelle Le Temps scellé, il a tout un espèce de concept sur la. J'ai oublié le mot. Peut-être que tu vas pouvoir. Bref, c'est pas grave. Je vais retrouver. Donc, en tout cas, c'est pas le mot densité, mais c'est quelque chose comme ça. Donc, il parle de comment le temps se ressent dans le film. Et l'écho avec Yuri Norstein, justement, c'est par rapport au temps qu'on met pour créer l'animation, donc pour créer une scène. Donc, j'ai une petite phrase, je l'ai retrouvée. J'ai pas le nom de Tarkovsky, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, Norstein, parce qu'il y a eu un entretien justement, je crois que c'était Hervé Joubert-Laurencin dans son essai La Lettre Volante. Il avait fait un entretien avec Norstein. Il parlait justement de cette spécificité de l'animation pour parler du temps, de la mémoire, etc. Donc il y a Norstein qui disait: le temps est un phénomène très important car la différence entre le temps physique nécessaire pour tourner une scène et le temps du film est énorme. Le fait d'avoir travaillé pendant un mois et demi sur quelque chose qui sera rendu en une minute et demie donne une espèce de densité, ce qui est propre au cinéma d'animation. C'est justement cette condensation du temps physique dans le temps artistique. Bon, voilà, ça continue, mais je m'arrête là. Et voilà, donc il y a quelque chose de... Voilà, c'est la pression du temps, le mot. Donc on est vraiment dans cette... Ouais. Donc il y a cette histoire, pas forcément de lenteur, parce que pour Tarkovsky, on parle souvent de la lenteur, mais il y a des plans, des fois, qui sont pas forcément lents. Enfin, ou plutôt, qui paraissent lents, mais qui finalement sont très denses. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la sensation, finalement. Il y a plein de choses qui passent dans une image très simple. Et ça peut aussi rejoindre ce que tu citais tout à l'heure sur quand Nordstein cite les estampes japonaises. Et c'est vrai que la minutie de la technique, finalement, donne quelque chose de très, très, à la fois, il y a beaucoup de choses, et à la fois, ça donne une impression d'épure. C'est assez bizarre, c'est assez paradoxal ce qu'on peut ressentir devant les images de Nordstein, c'est que c'est très très détaillé et en même temps il y a un côté épuré comme ça. Ce qu'on sent, d'ailleurs c'était intéressant, je trouvais quand il parle à la fois d'estampes japonaises et de civilisation grecque, alors moi j'avoue que je m'y connais moins en civilisation grecque qu'en estampes japonaises, mais dit comme ça, oui, en tout cas qu'en culture japonaise, c'est vrai qu'il y a un mélange qui est assez étonnant, on imagine une culture grecque beaucoup plus européenne, enfin avec quelque chose d'assez chargé, entre guillemets, alors qu'en effet, une culture japonaise, une seule branche peut représenter en effet tout un arbre. Et on a cette impression chez Nordstein d'avoir les deux, d'avoir un mélange des deux. Le Sang dans le brouillard est très... Enfin, il y a beaucoup de choses dans Le Sang dans le brouillard à la fois. En plus, il y a plusieurs niveaux, il travaille, comme tu disais, c'est fin. Enfin, il y a énormément de niveaux. Il y a même ce moment absolument incroyable avec de l'eau, là, cette incrustation quand il est dans l'eau. Enfin, il y a tout un travail là-dessus. Et pourtant, on ressent une... légèreté, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas quelque chose d'assez épuré, voilà, comme tu disais, Claire. Olivier ? Oui, il va parce que ce qu'il évoque, c'est des sensations, en fait. Moi, quand je regarde le hérisson dans le brouillard, j'ai la sensation de l'enfance et des peurs et des découvertes comme ça de l'enfance quand on est dans un bois et qu'on voit un animal, ou je ne sais pas. Enfin, je le ressens physiquement. Quand je regarde le miroir, j'ai la sensation de la présence divine, alors que je suis pas croyant, tu vois. C'est ça qui est... Oui, c'est le sacré, Tarkovsky en parle beaucoup. Le temps scellé, je vous le conseille, c'est vraiment un livre absolument incroyable à lire. Voilà. C'est pour ça que ça paraît si simple. Parce qu'on est, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un langage, symboliste, ni métaphorique, on est dans l'ordre de la sensation. Il faut que ce soit simple, parce que sinon, on ne peut pas le ressentir. Sauf que tu l'as dit toi-même, et je trouvais ça intéressant, ça veut dire qu'il y a un vrai questionnement par rapport au cinéma, par exemple en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une image? Qu'est-ce qu'on peut voir avec ce temps, avec cette image? Et qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'intérieur de cette image, finalement? C'est là la complexité, parce que la sensation, on peut tous ressentir une sensation en voyant une texture, des choses comme ça, mais comment le faire passer au cinéma? C'est l'un des problèmes, et l'animation est l'un des cinémas qui peut permettre ça. C'est là où ça devient magique. Effectivement, quand mais ça passe. Sauf que ça ne peut pas être magique. Sauf qu'il y a bien quelque chose derrière, on est d'accord. Alors, tout animateur le sait bien. La magie, c'est au tout début, quand on commence. Et puis dès qu'on a fait un plan sur 3 semaines, ça fait juste 2 secondes et qu'en plus on l'a foutu en l'air parce que. Enfin, je sais pas, Sophie, c'est plus de la magie, non? Ben, moi je trouve que ça reste quand même si c'est long, etc. Enfin. Non, c'est un truc dont moi je suis pas blasée, en fait, je me sens pas blasée. Et tu ressens toujours ça en voyant, par exemple, Nordstein, quand tu regardes Le Comte des Contes, tu as cette idée, t'essayes pas de gratter là en disant comment il a fait. C'est vrai que le petit hérisson, quand il met sa petite patte dans le brouillard, on comprend pas comment c'est fait, etc. Oui, mais en même temps, on a cette sensation de brouillard tellement. Enfin, ouais, on est avec le hérisson, quoi, et vraiment, ouais. C'est une phrase de Kittrul dans le documentaire qui dit quand dans le Comte des Contes le chat éteint la bougie et il le mime, il éteint la bougie et il m'a fait croire que le chat était vivant. Est-ce que c'est ça aussi l'une des forces? Donc finalement on est plus du tout dans, on est au-delà de l'animation, on est au-delà de la prise de vue, enfin voilà, on est juste dans quelque chose qui sort de quelqu'un qui nous donne peut-être qu'il y a à l'intérieur. Je suis pas un réalisateur, donc je sais pas très bien comment on fait ça, mais j'ai l'impression que chez quelqu'un comme Nordstein ou chez Tarkovsky, c'est des choses qui sont très intuitives, contrairement par exemple à un cinéma comme celui d'Hitchcock par exemple. Je prends beaucoup de plaisir au cinéma d'Hitchcock, mais on voit que c'est très pensé. Voilà, c'est très construit. On amène le spectateur, etc. Là on est dans tout à fait un autre registre. Claire, t'avais retrouvé une. Oui, alors c'est marrant parce qu'au moment où vous avez parlé de la magie, je suis tombée sur le mot magie sur une page. Mais bon, je vais pas vous. Bon, voilà, c'était une phrase de moi. Donc pour ceux qui ont le courage de lire mon mémoire, ils tombent dessus. Il faut, bien sûr. Mais oui. Non, justement, c'était par rapport au côté vraiment très palpable de tous les éléments. Et ça vient aussi des médiums qui utilisent ce truc de mettre des photos. Après, même la brume, moi non plus, je sais pas comment c'est fait. C'est comme la lumière qui transperce aussi. Parfois, on se demande vraiment, on a vraiment l'impression de voir une profondeur dans l'image qui est vraiment incroyable. Et au niveau, par rapport justement encore à l'animation, ça rejoint un peu ce que j'avais trouvé tout à l'heure. C'était par rapport aux gestes justement, et ça rejoint un petit peu l'idée de l'estampe. Si je peux encore lire un petit bout de phrase de Nordstein, donc il dit « Il me semble que dans l'animation, le geste le plus microscopique peut être considéré comme beaucoup plus expressif que dans le cinéma joué. En effet, il surgit sur le fond d'une condition donnée indispensable » que nous ne pouvons pas cacher aux spectateurs. Ça, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Et alors, le geste le plus petit, proche de la nature, va apparaître beaucoup plus fort, plus bruyant, plus convulsif que dans le cinéma joué. Au fond, l'animation, me semble-t-il, se rapproche plus de la littérature et de la parole. Elle contient un certain moment abstrait qui n'existe pas dans le cinéma joué. En particulier quand la forme stylistique ne paralyse pas la fantaisie du spectateur. C'est pour moi très important. Et donc quand il parle de ne pas paralyser la fantaisie du spectateur, c'est ça en fait, c'est ce côté paradoxal et c'est exactement ce que vous disiez tout au début sur la technique, le fait de savoir s'arrêter, etc. C'est que malgré le côté très sophistiqué de la technique, parce qu'on se rend très bien compte que c'est vraiment très long à faire, leur technique avec il y a je sais pas combien d'étages de multiplane avec plein d'éléments qui s'agencent. Et malgré ça, et même quand on le sait, quand on voit les images, ça, on a toujours une impression comme ça de simplicité, de quelque chose de très spontané. Et c'est là que la magie apparaît justement. C'est que. Est-ce que ça veut pas dire pour ça, je te coupe, excuse-moi, mais est-ce que ça veut pas dire que. C'est-à-dire que, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, je voulais demander, on n'a pas besoin d'être à un certain niveau pour se permettre cette. Parce que, pareil, dans le documentaire, d'enchaîne par de liberté. De dire oui, il y a la profondeur de champ, mais. Et puis oui, c'est animé, mais moi, je veux pas forcément que ça soit très bien animé, etc. Et moi, je veux une liberté par rapport à ça. Est-ce que c'est dans cette liberté qu'on peut trouver ça, de pas réfléchir à tout, absolument? Et comme tu parlais, donc on revient à cette idée d'instinct, finalement, par rapport aux textures, à ce qu'on a. Oui. Je sais pas, est-ce que c'était une question ou une. Oui, de toute façon, c'est forcément un instinctif, surtout l'animation, on recrée tout, donc le jeu de l'acteur animé, la capacité à faire à naître une émotion, c'est quelque chose de très instinctif. Mais quel est le mouvement juste qui va pouvoir effectivement faire ressentir au spectateur le sentiment qu'on va faire passer? C'est vraiment quelque chose de. On l'a ou on l'a pas, je pense, ou on l'a plus ou moins, mais on est obligé. Tu me fais des signes hein, quand ça sera la fin. J'aimerais, on n'a pas eu le temps du tout de parler de plein de choses. J'aimerais qu'on parle donc de la femme de Yuri Nordstein qui s'y colle pour dire. On parle toujours évidemment comme souvent dans ces duos comme ça. Alors c'est souvent l'homme, parce qu'en plus c'est assez le réalisateur, et on sait à quel point elle est fondamentale. Olivier déjà, Francesca. Ah bah il suffit, pour ceux qui ont vu l'exposition, je crois que cette exposition rendait tout à fait hommage à l'incroyable travail de cette femme, Francesca Yabusova, qu'on a découvert un peu sur le tard, mais c'est vrai que c'est une créatrice graphique absolument extraordinaire. Après c'est difficile de savoir quelle est la part de l'un et de l'autre. Bon, il me semble que là, sur le compte des comptes, je pense que les scènes pushkiniennes, par exemple, je pense que c'est plutôt Nordstein, par exemple. Je pense aussi, parce que quand on voit ses croquis, ça ressemble vraiment, après, je sais pas dans quelle mesure elle est réintervenue après, mais. Et c'est vrai que finalement, c'est les seules séquences qui sont pas avec la technique du papier découpé. Quand on regarde, c'est plus au trait, à l'encre. Donc. Peut-être ça, c'est lui, mais. Mais néanmoins, il y a un vrai cinéaste, je dirais, même si Yabusova a un talent immense, elle a apporté beaucoup à l'art de Nordstein, c'est vrai que c'est lui qui crée quand même l'univers, le propos, la mise en scène, et c'est quand même très important. Alors j'aimerais, on va parler aussi, j'ai pas le temps, je voulais le dire, qui m'a piqué mon. Non, c'est bon, il est là. Je voulais dire en effet, et c'est pas pour. Ilan est venu deux fois, et c'est vrai que c'est mis dans un hommage à Akihachiro Kawamoto, qui est un grand monsieur. Il est évident, on va pas se cacher, que le fait que Nordstein vienne est l'événement, et que bien sûr qu'on rend hommage à ce grand monsieur qui était venu en plus plusieurs fois. Puis moi, vous avez déjà entendu une interview, j'ai eu la chance de l'interviewer, Akihachiro Kawamoto. C'était une vraie rencontre humaine. En plus, c'était quelqu'un de vraiment très très impressionnant et très étonnant. Mais c'est vrai que c'est surtout voilà ce travail de Nordstein et le fait de le rencontrer. Il y a beaucoup de séances et donc il y a des séances de Akihachiro Kawamoto. Je vous conseille plein de séances. Il y a une rencontre avec Ilan Nguyen et Isabelle Vanini qui vont nous parler. Il va y avoir l'œuvre de Akihachiro Kawamoto, donc d'une conférence encore d'Ilan Nguyen et de Serge Segura. Voilà, le livre du mort qui était déjà passé au Forum des images, mais qui était intéressant, et à ne pas louper donc le programme de court-métrage de Yuri Nordstein, ses débuts, ses collaborations. Ne pas louper le programme de cours, les travaux majeurs, avec une demi-heure du manteau, normalement. Donc, oui, c'est un peu le truc, parce que c'est de l'inédit, normalement. Il y a 20 minutes qu'ont été montrées, il y a eu 10 minutes, 20 minutes chaque année, il y a un petit peu, donc aujourd'hui les 30 minutes. Au moment de l'exposition en 2001, il y avait déjà 20 minutes de film. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y a des articles qui datent. Donc ça veut dire qu'il y a que 10 minutes, en effet, qui auraient été faits en 10 ans. On va en parler du manteau, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Et juste, à ne pas louper, si vous avez l'occasion, c'est d'aller voir le programme, j'arrive pas à le retrouver. Il y a un programme absolument étonnant où on va voir avec un documentaire sur Akihachiro Kawamoto, avec des films à lui, mais très rares, qu'il avait fait avec des marionnettes en direct, sur scène. Et c'est juste absolument incroyable. Ça n'a jamais été montré. C'est un documentaire. Donc c'est absolument à voir. Et évidemment, ce moment où, vers la fin, que j'arrive pas à trouver, il reste 5 minutes. Sur ces 5 minutes, il vient de se terminer. On va finir là-dessus. Vous vous êtes rendu compte qu'on a essayé de parler pendant une heure de Nordstein. C'est pas suffisant. Et on pourrait en parler encore pendant des heures. On va essayer de prolonger ça encore une fois sur The Web Anime le maximum. Vient de se terminer une rétrospective pour moi fondamentale à la Cinémathèque française. Ils en font de temps à autre. Sur un cinéaste chinois, taïwanais, qui s'appelle King Wu. King Wu est un réalisateur qui a notamment fait deux films énormes qui s'appellent Touch of Zen et Raining the Mountain. Touch of Zen ayant eu notamment un prix à Cannes, première fois qu'un film chinois avait un prix à Cannes. Enfin, voilà, donc un réalisateur. Et Hubert Niogreb, positif, était là et il le connaissait. King Wu est mort et il dit il n'a pas réussi à capitaliser. C'est un mot terrible pour un auteur, sur sa victoire, sur sa récompense à Cannes, etc. Et en fait, il allait aux États-Unis, il voulait faire un film et il donnait un traitement de 4 pages pour un long métrage en disant, bah voilà, il pensait que ça allait suffire. Qu'est-ce qui se passe avec Nordstein sur le manteau? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un, alors que cet homme a tout, quand il commence en 81, hein, si je dis pas de bêtises, 81, le début de la production du manteau qui devait faire 65 minutes. Le Comte des Contes vient de sortir. C'est quand même un succès dans le monde de l'animation. Alors, il n'y a pas beaucoup de longs métrages. Le film fait quand même 1h05 à la base. Pourquoi il n'a jamais réussi? Est-ce que c'est à cause de lui, de sa manière de travailler? De toute façon, ça le rend impossible. Donc, on voit qu'une Florence Mihail réussit peut-être à travailler avec d'autres personnes malgré tout. Olivier, déjà? Alors, moi, je peux dire de ce que j'en sais, qui est très extérieur, hein, donc j'ai pas vraiment de détails très, très pointus là-dessus, mais néanmoins, comme j'ai travaillé chez Archéon Film, j'ai eu quelques échos de cette aventure. Quand Nordstein entreprend le manteau, je dirais pas le monde est à ses pieds, mais enfin, quand même, notamment en France, on l'accueille un peu avec le tapis rouge. On lui donne les moyens, Arte s'engage, c'était la 7 à l'époque. Bon. Bref. Le ministère de la Culture, je veux dire, on est prêt à mettre les moyens pour qu'il mène à bien ce projet. Or, il s'est perdu dans ce projet. Et il s'est complètement perdu dans ce projet. Même ce qu'il a fait, c'est à la fois magnifique et en même temps, c'est presque rien. Parce que c'est plus de la virtuosité qu'un véritable film. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi, en tout cas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est lié à lui. C'est un problème de création. Je ne sais pas si... Alors là, c'est lui qui vous pose la question. Peut-être ce sera l'occasion, Alexis. Ouais. Faut oser, en effet. Difficile à poser comme question. Mais je pense qu'à un moment, il s'est perdu. Pour quelle raison, j'en sais rien. La reconnaissance, sa vie, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais manifestement, il y a un blocage de création. Il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir mener à bien ce projet. Et il s'est enfermé dans une espèce de perfectionnisme, de volonté d'avoir quelque chose de tellement expressif, de tellement parfait, que finalement, il n'a pu arriver à rien. Donc le problème, il a pu avoir un producteur qui lui dit, qui lui tape sur les doigts en peut-être, disant, parce qu'en animation, c'est pas le premier, dans un style, mais qui n'a rien à voir. On a Richard Williams en face, qui met aussi 25 ans et qui n'arrive pas à terminer. Alors on est aussi dans un perfectionnisme, dans un style qui n'a rien à voir, mais pareil. Et on est obligé de, les gens sont obligés de terminer pour lui. Sinon, peut-être que le film serait jamais, alors ça donne une horreur, mais le film serait peut-être jamais terminé. Est-ce que le manteau, c'est ce qui va se passer? Mais moi, c'est vrai que je l'ai vu en fait à Krok, Yuri Norstein, lors d'un festival qui a lieu tous les ans en Russie. Et il nous a montré les 30 minutes du manteau, et ce n'était que des aspects techniques. Mmh. C'était uniquement ça. Il expliquait comment il l'avait fait, et tout tournait autour de ça, quoi. C'est tout. Voilà, pas du tout sur le... Quand on choisit le manteau de Gogol, c'est que on a des choses à dire. Et c'est vrai que sur le fond, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment qu'une démonstration technique. Je pense que t'as raison, tu dis qu'il se perd un peu là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Alexeï Alexeïev, cinéaste russe, me disait qu'à Krok, justement, c'était un peu terrible pour lui, parce qu'il traduisait, et tout le monde était devant Norstein, un peu comme un demi-dieu, en disant et que Norstein se disait lui-même, il faut que je dise quelque chose d'intelligent, parce que si je dis un truc qui n'a pas une portée philosophique forte, on va se dire, non, c'est pas le bonhomme qu'on nous vend. Est-ce qu'on peut ne pas être perdu au bout d'un moment quand on a un auteur dans dans cette vision? Et alors, Ariel, je te dis, on va enchaîner sur le dernier morceau, on coupera bien sûr, c'est juste un petit peu, c'est la fin du récit dans le brouillard. Voilà. Olivier, rapidement. Un dernier mot quand même, parce que j'aurais pas laissé croire que Norstein ne fait plus rien. Enfin, il a du mal à créer. Une séquence comme ça, d'adapter d'un poème qui est très réussi, mais il a quand même une activité d'enseignement et de transmission extrêmement importante. D'accord. Et ses élèves à l'école supérieure des réalisateurs et scénaristes de Moscou, où enseigne aussi Krajanovski, Kiltrouk, Nazarov, ils sont gâtés, sont quand même très très marqués par l'enseignement de Norstein. C'est une autre façon. Donc on a peut-être perdu un réalisateur, on va dire, au niveau des films qu'il nous montre, mais en tout cas, il continue de toute façon à beaucoup travailler finalement. Mais si je peux dire, Claire, vraiment la dernière. C'était juste pour dire qu'il a écrit un livre extrêmement long, c'est deux pavés énormes, mais que en russe pour l'instant, sur l'animation. Ils sont disponibles maintenant en anglais, bientôt. Juste pour vous dire que tous les DVD sont disponibles, en effet. On essaiera de continuer à travailler sur Norstein. On vous remercie, merci beaucoup à Sophie, Claire, Olivier d'être là. Notre prochaine émission, le Florentine. 7 avril. Voilà, on vous remercie beaucoup et donc à bientôt. Merci beaucoup, merci. Извините, беззвучно сказал кто-то. Кто и как сюда попали? Я ежик. Я упал в реку. Тогда садитесь ко мне на спину. Я отвезу вас на берег. Был. Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих... Можжевеловых. Можжевеловых.